2014, la crise de la dette. Mon épargne en danger. Invité. Olivier Delamarche, Philippe Erlin, Olivier Berruyer, Maître Nicolas Lecoq-Vallon, et Maître Hélène Ferrand-Poloni. Un débat organisé en 2014, par Média Investigation. www.mediainvestigation.com. Durée du débat. 1h40. Fichier audio fourni par MP3 Résistance. Bienvenue sur mediainvestigation.com. Aujourd'hui, grand débat. 2014, mon épargne en danger. Point d'interrogation. Nos invités aujourd'hui, Olivier Delamarche, pour ce débat. Il est associé et gérant de Platinium Gestion. Il intervient sur l'activité économique sur BFM Business. Son site platinium-gestion.com. Philippe Erlin, qui est chercheur en finance chargé de cours au CNAM. Il est l'auteur de L'or, un placement d'avenir, également de Repenser l'économie, également France, la faillite après la perte du triple A, et son dernier ouvrage, La révolution du Bitcoin. On va en parler tout à l'heure. Son site philippeerlintoutattaché.com. Nos deux avocats, Maître Nicolas Lecoq-Vallon et Maître Hélène Ferrand-Poloni, sont avocats au barreau de Paris. L'activité de leur cabinet est orientée principalement vers la défense des épargnants, la protection du patrimoine des particuliers et des entreprises. Lecoq-Vallon, Ferrand-Poloni, toutattaché.com pour leur site internet. Et Olivier Berruyer qui nous rejoint, puisque nos quatre autres intervenants étaient déjà présents lors du débat précédent. Olivier Berruyer qui a écrit « Les faits sont têtus ». Son dernier ouvrage. Il est créateur et animateur du blog lescrises.fr, président de l'association Diacrisis. Il intervient également sur l'activité économique sur BFM Business. Alors, on va commencer aujourd'hui par un petit sondage autour de la table, un mini-sondage. Olivier Delamarche, je vous en prie, prenez le micro. En 2014, mon épargne est-elle en danger ? Oui ou non ? Et en une phrase, pourquoi ? Et après, on fait un tour de table. Parce que Madame Lagarde vous l'a dit, elle va faire reset sur les patrimoines. Donc, si elle le dit, moi, je suis tenté de la croire. Surtout qu'elle n'a jamais dit de bêtises auparavant. Donc, on va la croire. Nicolas Lecoq-Vallon ? Effectivement, il y a l'aspect fiscal qui inquiète énormément les épargnants et qui représente une menace. Au-delà de ça, on est confronté, comme d'habitude, au comportement erratique des marchés. Et on constate que les épargnants individuels, souvent les plus modestes, sont souvent à contre-temps des phénomènes de marché, donc sont les premiers perdants. Aujourd'hui, la volatilité qui s'annonce, qui se manifeste d'ailleurs en début d'année, fera, j'allais dire comme d'habitude, des victimes. Et parfois dans les rangs des plus modestes. Alors Olivier Delamarche, oui, mon épargne est en danger. Nicolas Lecoq-Vallon, oui. Ensuite, Hélène Ferrand-Poloni. Oui, votre épargne est en danger parce que, outre Madame Lagarde, elle a été rejointe par la Bundesbank, donc on se rapproche géographiquement. Et on n'est plus vraiment dans la fiscalité, mais dans la spoliation envisagée par prélèvement direct sur les comptes d'épargne, assurance vie, compte bancaire, compte sur livret et autres. Olivier Berruyer. Oui, elle est en danger, comme en 2015, 2016, 2017 et 2018, pour la simple et bonne raison qu'on n'a absolument pas résolu les problèmes qui ont causé la crise de 2008-2009. Et comme le disait très bien Albert Einstein, la véritable folie, c'est de penser qu'en agissant de la même façon, on va avoir des résultats différents. Donc effectivement, on agit pareil, on aura les mêmes résultats qu'en 2008. Les faits sont têtus ? Exactement. Philippe Erlin. Oui, depuis la crise 2008, l'épargne de tout le monde est en danger. Et on en parlera peut-être, mais l'Union européenne se prépare à ça en ayant fait récemment passer une directive qui n'a pas eu les honneurs de la presse, des médias, c'est dommage, mais une directive qui permet de faciliter la résolution de crises bancaires, notamment en allant piocher directement dans l'épargne des épargnants. Donc c'est pas une hypothèse, c'est maintenant inscrit dans le droit. Voilà. D'accord, donc 100% des intervenants pensent que l'épargne des Français est en danger. On va développer ce sujet. Et d'abord, on va planter le cadre avec Philippe Berruyer, puisque vous avez le site... Olivier Berruyer, pardon. du site lescrises.fr. On est dans une crise qui a plusieurs visages, Olivier Berruyer. Oui, elle est multiforme. Une des racines, c'est évidemment la panne de croissance, très probablement définitive, et l'incapacité à penser autre chose, en tout cas à vouloir adapter l'économie à cet environnement de croissance faible. Et donc, depuis les années 80, on a essayé de compenser par d'autres sources de croissance. Et la finance a été un relais important. Donc, évidemment, on a laissé croître un secteur financier de plus en plus déconnecté de l'économie réelle, de plus en plus improductif. Enfin, sauf pour quelques personnes qui font partie de cette économie financière. Avec le temps, les problèmes ne font que croître et évidemment, on s'approche d'un point de rupture. Évidemment, on ne peut pas l'estimer au mois près, mais trimestre après trimestre, on se rend bien compte que la situation empire en permanence. Alors, dans le précédent débat, Olivier Delamarche, on a parlé donc des différents visages de la crise. On a parlé de crise de la dette, crise de la confiance, crise des intérêts de la dette, crise de la solvabilité, crise de liquidité. Et vous précisiez que c'était même pas une crise du capitalisme, mais une crise du socialisme. Est-ce que vous pouvez, plus d'un an après, nous... Non, bah, j'avais dit simplement que Olivier Delamarche. On avait fait une erreur majeure en 2008, c'est qu'on avait sauvé un système qui n'était pas viable. Or, ce n'est pas la définition du capitalisme, que je sache. Donc, et qu'il aurait fallu, à ce moment-là, soit laisser tomber, soit en tout cas en profiter pour le restructurer et le changer complètement. Et aujourd'hui, on est en train de payer ces erreurs-là. Simplement, on a voulu éviter à tout prix une récession, on a voulu éviter à tout prix que certaines banques se cassent la figure. Et pour ça, on s'est surendetté au niveau des États, on a voulu faire un semblant de croissance en se mettant à la place des ménages, qui eux étaient déjà surendettés, qui avaient des revenus qui étaient des revenus disponibles qui étaient en baisse, donc il fallait bien compenser. L'État a compensé, sauf que maintenant l'État est largement en situation de surendettement et que on sait très bien qu'il y a un moment où là je plaisantais tout à l'heure avec Lagarde en disant qu'elle nous avait annoncé un reset. Malheureusement, c'est ce qui va se passer parce que la dette on pourra pas la rembourser, donc il va falloir d'une manière ou d'une autre qu'on l'efface, et quand on va l'effacer, ça risque de faire grincer des dents à beaucoup de monde. Voilà, donc parce que ça, il suffit pas juste de rayer d'un trait de plume le montant de la dette. Ça, tout le monde a de la dette, tout le monde a de la dette dans les assurances, dans les banques, dans les produits divers et avariés, livrets A. Tout ce que vous voulez, Codevi, PEL, tout ça c'est de la dette. Donc il y a un moment où si évidemment vous ne la remboursez pas d'une manière ou d'une autre, vous allez ruiner tout le monde. Alors ce que vous expliquiez également, c'est qu'on est dans une crise où on n'a pas de référence. Et donc tout peut arriver. Mais non, on n'a pas de référence parce qu'on n'a pas de référence sur ces niveaux-là. On a des références qui sont des références ponctuelles. Vous avez l'Argentine, vous avez dans le passé... beaucoup de références, ça s'est passé en Allemagne, ça s'est passé en France, ça s'est passé, mais c'était à d'autres niveaux, on n'avait pas l'interconnexion qu'on a aujourd'hui, on n'avait pas la mondialisation qu'on a aujourd'hui, on n'avait pas la concomitance de ces problèmes dans tous les pays en même temps, et on avait surtout énormément moins d'effets de levier que ce qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, vous savez que vous avez un PIB mondial annuel qui est autour de 65 000 milliards de dollars et que vous avez pour l'instant quelque chose qui se balade autour de 800 000 milliards de dollars de dérivés. Donc il y a un moment où il va y avoir un petit problème, c'est que toutes les banques qui se sont en plus regroupées, qui se sont en plus agrandies, parce que soi-disant too big to fail, moi je dis too big to not fail, c'est-à-dire que le jour où on va avoir un pépin, ça sera irrattrapable. Personne ne pourra se substituer et personne ne pourra sauver les clients qui sont dedans. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place tout un tas de mesures qui permettront de piquer toute l'épargne des gens et tous les comptes des gens pour aller essayer de combler le trou qu'il y aura dans les banques. Mais quand vous voyez les effets de levier, quand vous voyez les montants à prendre en compte, il est totalement illusoire de penser que le moindre fonds de secours ou la moindre volonté gouvernementale de préserver à partir de 100 000 euros, etc., pourra être mise en œuvre. Ça, on va en parler aussi tout à l'heure. Alors, j'aimerais que vous continuiez avec Olivier Berruyer et Philippe Perlin, juste après, à nous expliquer le lien entre la dette de la France et l'épargne des Français. Parce que c'est peut-être ça le souci. Les gens ne sont peut-être pas au courant qu'il y a un lien évident. Ben, le lien, c'est que leur épargne est placée dans différents produits, déjà dans différents endroits, que ce soit une banque ou que ce soit un assureur, qui sont en danger parce que, effet de levier, parce que détenteurs de dettes souveraines, et qu'ils sont tous sur différents produits dont ils n'ont absolument aucune idée de la manière dont c'est géré. Et ils pensent que le livret A, c'est pour financer les HLM, alors que le livret A, c'est quoi ? Ben, c'est des actions pour à peu près 10%, que c'est pour 90% des obligues et des obligues souveraines. Donc le PEL, c'est pareil, le code EVI, c'est pareil. Tous les produits bancaires ou produits qui vous ramènent un intérêt sont des produits qui sont basés essentiellement sur des produits obligataires. Donc quand vous faites reset sur les obligations, vous faites reset sur les comptes. Philippe Perlin ? Oui, c'est ça. C'est l'épargne, c'est la contrepartie de produits de dette souveraine. Alors on peut dire jusqu'ici tout va bien, parce que l'État français emprunte à un taux bas. Donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Aujourd'hui, maintenant, quand on épargne, on se pose des questions sur les années qui viennent. Philippe Perlin. Sur 10 ans, sur 20 ans, est-ce que l'État français, le gouvernement français va réussir à garder la confiance des marchés, alors que depuis plusieurs années, aussi bien ce gouvernement que le précédent, leur vendent le scénario magique d'un retour à l'équilibre budgétaire, et on voit que d'année en année, que ce déficit ne se réduit pas. On est, en fait, depuis la crise 2008, on a un déficit structurel de l'ordre de 80 milliards, alors qu'avant la crise, c'était de l'ordre de 40 milliards. Et on n'arrive pas à le réduire, quoi, voilà, simplement. Donc, et on a vu encore avec ce budget-là, où on va finir l'année 2013, les chiffres sont quasi définitifs, à près de 80 milliards, alors qu'au début, quand le budget 2013 a été présenté, il y aurait dû y avoir presque 15 milliards de déficit en moins, quoi. Donc les prévisions n'arrive plus à être tenu, et on est en train de passer de l'autre côté de la courbe de l'affaire, du mauvais côté, c'est-à-dire qu'on augmente les taux, on augmente les taxes, on augmente les impôts, et puis au final, ça rentre pas. Voilà, ça rentre pas parce que les gens en auront le bol, ils travaillent moins, il y a plus de travail au noir, et le résultat, c'est qu'on est dans un système où on augmente les taux et les recettes baissent, quoi. Donc, un jour ou l'autre, les marchés vont se rendre compte, et ça risque de faire très mal, voilà. Olivier Berruyer, est-ce que vous confirmez ce que vous avez entendu de part et d'autre, et qu'est-ce que vous avez à ajouter ? On peut prendre un petit peu de recul et revenir finalement sur le financement de l'État. Pour financer l'État, il y a normalement deux moyens à sa disposition. Le plus simple et l'historique, c'est de lever des impôts. Depuis les années 70, le fait qu'on n'a plus le système monétaire international, il y a eu la possibilité d'utiliser à outrance une deuxième possibilité qui est de faire de la dette. Et c'est quoi faire de la dette ? C'est de dire je ne lève pas l'impôt tout de suite, j'emprunte sur les marchés, le jour où je voudrais rembourser, à ce moment-là je lèverai des impôts. Parce qu'évidemment dans tous les cas il faut bien lever des impôts si on veut financer l'État. Donc on vit depuis 40 ans maintenant dans un rêve éveillé où en permanence l'État fait de la dette et donc promet en permanence de lever des impôts. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est évidemment quand on a 80 milliards de déficit, c'est donc 80 milliards de dettes en plus, c'est donc 80, et même si on ajoute des intérêts, peut-être 100 milliards d'impôts à lever un jour ou l'autre. Et c'est cette partie-là qui est absolument pas conscientisée. Évidemment, ces monceaux de dettes, si on veut les rembourser, c'est des impôts. Et les impôts seront pris sur le patrimoine financier des ménages. C'est la seule façon de lever des impôts. Alors tout à l'heure, j'entendais le mot spoliation, je ne sais plus qui l'avait utilisé. C'est assez, ça se comprend, c'est un peu étonnant. On voit dans les médias, sur Internet, à plein d'endroits, mon Dieu, ça y est, on va vous voler votre argent. On ne va pas vous voler votre argent, vous allez payer les impôts que les députés ont votés par le passé, parce que quand on vote 80 milliards de déficit, ipso facto, on a voté 80 milliards d'impôts à venir. Après, il y a différentes façons de les prendre. Ça risque d'être pris beaucoup plus brutalement que par une simple augmentation des impôts. Ce sera pris directement sur l'épargne. Alors, évidemment, on peut y voir une spoliation. Oui, si vous voulez. Mais en pratique, vous avez payé vos impôts. Et si vous n'êtes pas content d'avoir de cette spoliation-là, bah, plaignez-vous aux députés qui, depuis... ils n'ont pas été payés, les impôts. Les 80 milliards, ils ne sont pas payés. Alors, c'est le cœur de notre problème. Le cœur du problème... Le débat s'installe, c'est intéressant, hein, parce que la dernière fois, tout le monde était à peu près d'accord. Mais on est d'accord. On est d'accord, on va se faire piquer notre argent. Ça. Oui, on est d'accord sur l'intitulé du débat. Ça, on est bien d'accord. Tu vois, mais quand vous dites, vous avez payé un petit peu d'impôts sur l'épargne, vous n'avez sûrement pas payé ce qu'il fallait pour arriver à 80 milliards. Parce que le problème, c'est qu'il y a un trou de 80 milliards. Prenez le micro, s'il vous plaît. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que la taxe qui est envisagée, qui est appelée taxe une fois pour toutes, enfin il y a différentes appellations, on sait bien de quoi on parle. C'est une taxe qui va s'appliquer aux créances, c'est-à-dire tout individu qui va être titulaire d'un compte courant, d'un contrat d'assurance vie, d'un livret A, etc., va se trouver taxé sur ses avoirs en quelle qualité, en fait juridiquement, en qualité de créancier. Le problème, d'où notre indignation, mais enfin je pense qu'elle est partagée à cette table, c'est que c'est de l'argent qui a déjà payé l'impôt, c'est de l'argent qui est économisé sur un profit qui a été réalisé au titre duquel on a déjà été taxé. Donc l'indignation, elle est tout à fait légitime, même si je comprends tout à fait ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que l'impôt c'est l'État c'est la loi. Il va faire voter des lois, effectivement, qui s'imposeront à tous. Et à partir de là, l'injustice s'appliquera à tous de manière légale, mais injustice quand même. Alors Olivier Berruyer va finir. Ensuite, j'ai des questions à poser à nos avocats. Vous savez, c'est le mot injustice qui me fait bondir. L'année dernière, le budget de l'État, c'est 300 milliards de dépenses pour 200 de recettes. Voilà, on dépense quand même beaucoup plus que ce qu'il y a comme impôt. Donc cet impôt, il manque. Si chacun d'entre nous ne se dit pas qu'il a des impôts qui vont lui tomber dessus, et qui seront énormes quand on arrive à 1800 milliards de dettes, évidemment, une façon de les payer, c'est ça. Mais rassurez-vous, moi, je n'y crois pas une seconde sur la taxe de 10%. Ce qui va se passer, c'est comme à Chypre. Un jour, la banque, elle va faire faillite, vous dira, non, c'était garanti à 100 000, vous aviez 1 million, c'est 100 000. C'est ça qui va se passer. Sur ce point-là, je partage assez peu. On est bien d'accord que les fonds de garantie, il n'y a rien dedans. Mais quelle est la vraie garantie des dépôts? C'est les gros déposants. C'est les gros déposants. Vous avez 80% de la dette publique aujourd'hui, elle est détenue par 15% de la population, 20% de la population. Personnellement, moi, j'ai aucune inquiétude sur les 80% de la population qui ont le moins de patrimoine. C'est-à-dire, si vous avez moins de 80 000, 100 000 euros, ça, il ne va pas vous arriver grand-chose. Le problème, c'est que si vous avez 50 millions, ça va évidemment être beaucoup plus compliqué. C'est parce qu'il va payer les dettes aussi. Alors, on va en reparler. C'est la multitude qui paiera le passif. C'est pas mais la multitude ne peut pas payer pour l'ensemble parce qu'ils n'ont pas d'argent. Enfin, je rappelle que la moitié du patrimoine. C'est le projet dont on a parlé. Non, mais aussi. Laissez tomber les projets. Il n'y a pas un député qui votera ça. Donc, c'est pour amuser la galerie et préparer les esprits. La moitié des Français ont 7% du patrimoine. Okay, donc déjà, ces gens-là, ils n'ont pas de sous. Toute la question, c'est qu'il y a 1800 milliards de dettes qui n'est pas remboursable. Donc il y aura les 1500 milliards de défauts à venir un jour ou l'autre. Bon, donc la question, c'est qui va perdre en 1500 milliards? Donc face à ces 1500 milliards de dettes, vous avez 1500 milliards d'épargne privée qui va être vaporisée. C'est de la comptabilité, parce que depuis 40 ans, vous dépensez le même argent deux fois. Donc là, en ce moment, on essaie de se battre contre la comptabilité. Mauvaise nouvelle, la comptabilité va gagner. Donc ces 1500 milliards vont être vaporisés. Qui a 1500 milliards, ce n'est pas les 60% de la population les plus pauvres. Je vous garantis que le smicard, il n'est pas prêt de perdre son argent. Il n'en a pas. Donc la question, c'est qui va perdre l'argent? Je veux dire, ceux qui ont de l'argent. Prenez le micro. La question, mais c'est une partie très intéressante du débat. Maître Le Cavallon. Parce qu'effectivement, les projets qu'on a tous vus avec les déclarations du FMI, les déclarations de la Bundesbank, etc., et les différents articles d'économistes qui disent pour faire face à l'endettement généralisé, il va falloir taper sur l'épargne. Ça a pour conséquence d'imaginer que le smicard ou la personne très fortunée, à partir du moment où elle va être détenteur de quelque chose, d'une forme d'épargne, il y a un risque de ponction. Et je ne pense pas que l'endettement est tel que les choses vont être faites avec beaucoup de discernement. Parce qu'encore une fois, on a un problème d'assiette, il faut que ce soit le plus large possible. Donc il y a toujours cette idée de justice, mais elle a ses limites. Et on voit bien, on y a assisté ces derniers mois, que quand il faut rentrer l'argent, finalement, l'État tape un petit peu partout et tout le monde, à partir du moment où on a quelque chose, est plus ou moins victime. Alors évidemment, le smicard qui n'a pas d'épargne, là je suis d'accord, ça ne va rien lui coûter. Mais le smicard qui a un petit peu d'épargne, malheureusement, je pense qu'à lui aussi, ça va un petit peu coûter. Après, Philippe Erlin réagira parce qu'il n'avait pas l'air d'accord. Sur ce point-là, la seule question, c'est que va voter un député un jour ? C'est facile Olivier de Berruyer. Sa place. Alors, je répète, vous avez 80% de la dette qui est détenue par les 20% de la population, les plus riches. Votre défaut n'est jamais de 100%. Normalement, vous arrivez quand même à garantir 20%. Bon, vous êtes député. C'est très simple de dire, je ne rembourse pas au-delà de 100 000 euros. C'est ce qui s'est fait à Chypre. Ça s'est fait à Chypre. Chypre, tous les Chypriotes qui avaient moins de 100 000 euros n'ont pas perdu un centime. Et ils ont fait passer, évidemment, toutes les pertes sur les déposants de plus de 100 000 euros qui représentent des montants très élevés. Pourquoi voulez-vous qu'un député s'amuse à se mettre à dos une majorité de la population pour aller leur piquer 10 euros ? C'est juste ridicule. Évidemment qu'ils vont s'attaquer aux 10-20% de la population qui ont l'immense majorité du patrimoine. Vous parlez d'une taxe de 10% tout à l'heure. Je rappelle les enjeux. Hein. Maintenant, on sera bientôt à 2 000 milliards de dettes. Donc un défaut à 1 500 milliards à peu près. L'épargne privée, elle est autour de 3 000 milliards. Elle est de 3 000, 3 500. Bon, vous voyez déjà le ratio, ce ne sera pas 10%. Ce sera pas 10% de 3 500. J'ai un petit peu du mal à faire 1 500 milliards avec. Donc on est sur des montants qui sont beaucoup plus élevés. Donc évidemment, quand vous êtes un député avec un minimum d'instinct de survie, vous ne touchez pas à 60% de la population, parce que 60% de la population, ça n'a même pas 10% du patrimoine, cher monsieur. Donc je ne vois pas pourquoi je vais m'attaquer à ces gens-là. C'est vrai que quand on entend cette façon de faire peur à tout le monde, vraiment, j'ai su d'une tranquillité totale sur tous ceux qui ont moins de 50, 60, 70 000 euros de patrimoine financier. Ça fait déjà une très vaste partie de la population. Réaction de Philippe Erlin. Oui, alors moi je ne crois pas que les patrimoines des moins de 100 000 seront exemptés. Alors pour bien poser le débat, il faut savoir que ça, on n'a pas tellement parlé dans les médias, mais les 28 États membres se sont mis d'accord les 11 et 12 décembre 2013 sur une directive qui entrera en vigueur le 1er janvier 2016. Qui fait que maintenant, lorsqu'il y aura une crise bancaire dans un pays, ce ne sera plus des fonds européens, il n'y aura plus de fonds européens qui seraient créés. Le renflouement de ces banques se fera par une ponction sur les comptes bancaires. Enfin, il y aura d'autres avant, il y a les actionnaires, des créanciers, et puis ensuite les comptes bancaires. Mais l'argent, il se trouve là, quoi. Et cette directive est assortie d'une garantie que les comptes de moins de 100 000 euros ne seront pas touchés. Et effectivement, quand on regarde ce qui s'est passé à Chypre en avril 2013... les comptes de moins de 100 000 euros n'ont effectivement pas été touchés. Mais ce qu'il faut bien comprendre pour le cas de Chypre, c'est que ce pays a bénéficié d'une aide européenne à l'époque de 10 milliards d'euros. Et c'est pour ça que les comptes de moins de 100 000 euros ont pu être préservés. Mais si ça arrive à un pays comme l'Espagne ou l'Italie ou la France, c'est pas 10 milliards qu'il faudrait, mais plusieurs centaines. Et donc là, il n'y aura personne pour payer. Et donc tous les comptes seront touchés. Parce que, surtout qu'en inscrivant dans le droit, les comptes de plus de 100 000 euros seront touchés. Tous les gens qui ont 200, 300 000 euros, 500 000 euros, ils vont se dépêcher de créer plusieurs comptes pour être en dessous de 100 000 dans plusieurs banques. Voilà. Et puis ceux qui ont plusieurs millions, de toute façon, avant le 1er janvier 2016, ils auront trouvé des moyens pour pouvoir mettre leur argent, pour pouvoir échapper à ce genre de ponction. Et puis qu'est-ce qui reste après ? Alors, il y a les particuliers, on peut aussi parler des entreprises. Mais effectivement, Renault a plus de 100 000 euros sur son compte. Il a plusieurs dizaines ou centaines de millions d'euros. Mais si on lui pique tout et qu'on lui laisse 100 000 euros, comment il fait la paye le mois d'après ? Et là, ça veut dire que tous les smicards, les gens qui travaillent chez Renault, c'est fini. Donc si on touche à l'argent des entreprises, immédiatement, on crée une crise violente et on en met plein en faillite, ce qui a été fait à Chypre. Voilà. Ou alors on exempte les entreprises pour dire il faut continuer que l'activité tourne. Ils respectent les particuliers. Les particuliers à plus de 100 000 euros, il n'y en aura plus. Ils sont tous disparus. Ceux qui ont plusieurs millions sont partis. Voilà. Et donc on va taper chez tout le monde. C'est bien ça qu'il faut comprendre. Donc... c'est pour ça que le sujet du débat, l'épargne, présente-t-elle un risque ? Oui, effectivement. Alors, à cette table, il y a trois intervenants qui voient des épargnants tous les jours. Hein. C'est Olivier Delamarche, maître Nicolas Lecoq-Vallon, maître Ferron Polony. Prenez le micro, allez-y. Est-ce que ça, vous le ressentez quand vous... Est-ce que vous ressentez une crainte des épargnants. Déjà, s'ils viennent chez vous, c'est qu'il y a un souci, on peut en parler, mais est-ce que d'une façon générale, il y a une crainte ? Alors, il y a effectivement un fort sentiment d'insécurité par rapport au contexte fiscal, ce dont on vient de parler. Maître Lecoq Vallon. Les gens n'ont pas forcément connaissance des textes qui ont été évoqués par Philippe Erlin, mais il y a une espèce de préscience des choses et ils ont conscience que ce surendettement va peser sur la fiscalité et que la fiscalité peut être beaucoup plus brutale et spoliatrice qu'elle ne l'est encore. Donc ça crée un sentiment d'insécurité. Ajoutez à ça que notre activité, c'est de défendre les épargnants contre les institutions. Donc on va se retourner contre les banques et les compagnies d'assurance qui auront une responsabilité quand il y a un préjudice en matière de gestion d'épargne et essayer de recouvrer ce préjudice. C'est pourquoi aujourd'hui, une jurisprudence existe. Il faut quand même dire que les gens prennent souvent les pertes financières, particulièrement les pertes qui sont dues aux évolutions de marché, comme une espèce de fatalité, et qu'il y a des moyens juridiques qui ont fait leurs preuves et qui permettent de recouvrer ces moins-values, parce qu'on est quand même dans un état de droit, et il y a quand même une protection du consommateur ici en matière d'épargne qui fonctionne. L'autre aspect du débat, je voudrais juste dire un mot sur cette question qui est très intéressante de cette ponction générale sur l'épargne pour faire face à l'endettement des États et des établissements financiers. C'est évidemment nous, en tant qu'avocats des investisseurs, des épargnants, on se pose la question de savoir comment se prémunir contre ce risque. Et alors, ce qui a été dit est très intéressant parce que on s'aperçoit que nécessité fait loi et que nécessairement les États vont être obligés de taper sur une catégorie prédéterminée d'épargne. Comme vous le disiez très justement, évidemment, l'État ne peut pas prélever la trésorerie des entreprises, sinon les entreprises ne vont plus payer les salariés, ça va provoquer des dépôts de bilan en cascade, donc une espèce de bérésina économique qui n'est même pas envisageable. Donc qu'est-ce qui reste effectivement, modeste ou pas, il reste l'épargne. Et moi, comme vous, je continue de penser que l'endettement est tellement abyssal qu'il faut bien taper sur la multitude, donc frapper tout le monde. Parce que l'expérience montre, comme vous l'avez rappelé aussi, que quand on se concentre uniquement sur les plus riches, ça ne rapporte pas. Et puis surtout, ce sont souvent les mieux informés. Et on l'a vu avec Chypre, mais on l'a vu en son temps, au début des années 2000, avec l'Argentine, où c'était les plus fortunés, donc les mieux informés, qui finalement ont échappé à ce syndrome du dimanche soir. On vous annonce que la monnaie locale a baissé de 30%, mais les gens qui ont effectivement des avoirs importants, ils y échappent. Donc nous, notre souci, c'est de savoir ce qu'on peut donner comme conseil à nos clients pour se prémunir contre un risque comme ça. Et il y a des constats, c'est intéressant de les confronter et d'avoir l'opinion de chacun, qui sont frappés au coin du bon sens. C'est que ce nouveau type de taxation qui représente aujourd'hui un véritable danger pour l'épargne, c'est quoi ? C'est l'imposition des créances dont toute personne, riche ou modeste, peut être détenteur à l'égard d'une banque ou d'une compagnie d'assurance. Donc c'est les exemples dont on parlait, c'est le livret A, le contrat d'assurance vie, les comptes de dépôt, les comptes courants, etc. Là, effectivement, le risque existe et il est certain si ce n'est pas une trésorerie d'entreprise. Donc qu'est-ce qu'il faut imaginer pour essayer de se protéger de ce risque-là ? Il faut avoir des actifs réels, parce que le détenteur d'un bien immobilier, on ne pourra pas l'obliger à faire du cash, à donner une partie de son épargne un dimanche soir à 20h et lui ordonner de payer le lundi matin, parce que tout simplement, ce sont des actifs qui ne sont pas facilement réalisables. Probablement la même chose pour les comptes-titres, parce qu'à défaut, ça déclencherait un maelstrom boursier que tout le monde peut imaginer. Et puis, il y a effectivement, dans l'exemple que vous donniez, qui est très juste, il y a la trésorerie des entreprises. Donc, tout un chacun doit se poser effectivement la question de savoir s'il a logé son épargne ailleurs, par exemple dans une structure personne morale, s'il n'est pas mieux protégé en l'état de cette menace. Olivier Delamarche, oui, pour finir avec Maître Hélène Fleuron, Polony. Tout à l'heure, nous avions ce débat sur la notion ou non de spoliation. Il est clair qu'aujourd'hui, les épargnants, ce qu'ils possèdent, il faut quand même rappeler que chacun s'entend pour dire que c'est le reste à vivre. Après avoir payé la fiscalité, j'ai mon reste à vivre. Et nous nous battons pour défendre ce reste à vivre pour nos clients, pour que celui-ci ne soit pas maltraité par les institutions financières, banques ou compagnies d'assurance, qu'il ne soit pas injustement impacté par des frais non prévus, par exemple, ou qu'il soit perdu sur les marchés boursiers. Et c'est pour ça qu'il serait encore plus intolérable qu'avoir subi des frais parfois faramineux, après avoir subi des pertes sur les marchés boursiers, ils soient en plus diminués d'une taxation supplémentaire. J'ai une précision à apporter par rapport à la détention réelle. Il n'est pas impossible non plus que l'État cherche à ce que personne ne puisse échapper, n'est-ce pas, à cette contribution générale liée au remboursement de l'intégralité de la dette, et qu'une taxe liée à la simple détention, et même si on n'est pas soumis à l'ISF, à la simple détention du bien immobilier, qui s'ajouterait évidemment aux impôts locaux, soit envisagée un jour. Olivier Delamarche, pour continuer sur cette question du lien entre la dette et l'épargnant français, on vient chez Platinium Gestion pas par hasard. Expliquez-nous ce que les gens que vous rencontrez. Non, la première chose que je voudrais dire déjà, c'est que alors je diffère un peu d'Olivier là-dessus. D'abord, j'estime que on peut avoir de façon ponctuelle plus de 100 000 euros et ne pas être forcément riche. Il suffit que tu vendes ta maison, tu as 300 000 balles, sauf que Madame Lagarde passe par là à ce moment-là et tu n'as plus tes 300 000 balles. Donc c'est juste un tout petit souci. Alors sur l'immobilier, faut être pragmatique. Où est-ce qu'il y a de l'argent en France ? Il y en a dans l'assurance vie, dans l'épargne des ménages, on va dire, pour être plus large, et il y en a dans l'immobilier. Donc quand on est ruiné, quand on est en faillite, où est-ce qu'on va chercher l'argent ? Là où il y en a. Donc croyez-moi, vous irez... ils iront le chercher dans l'immobilier aussi. Donc c'est pas la peine d'aller vous cacher là-bas. Et en plus, vous avez quand même de grandes chances, vu qu'il y a une jolie bulle immobilière en France, vous avez de grandes chances de voir votre épargne fondre comme neige au soleil. Ensuite, il y a quelque chose qu'il faut aussi prendre en compte, c'est que là, on parle de la dette de la France aujourd'hui. On ne parle pas des pertes potentielles des banques qui sont 10 fois plus importantes. Donc aujourd'hui, on s'amuse à dire bon, bah, y a 2000 milliards de dettes et il y a en face 3000 milliards ou 3500 milliards d'épargne, donc on va régler tout ça. Oui, sauf que il y a des pertes potentielles dans les banques qui sont gigantesques et qui n'ont rien à voir avec ni 2000, ni 3000, ni 4000 milliards, ça peut être beaucoup plus. Et donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on garantit toujours à 100 000 euros ? Alors, je vais être affreux, mais c'est dans mes habitudes, donc ça choquera personne. Il faut prendre à ce moment-là l'argent aux pauvres parce qu'ils n'en ont pas beaucoup, mais ils sont nombreux. Donc, c'est pas très politiquement correct, je sais, mais c'est malheureusement ce qui probablement va se passer. Donc, voilà, là, oui, en effet, si on prend une photo maintenant et que tout se passe bien et que simplement, quand vous aurez piqué l'épargne des ménages, il ne faut pas non plus s'attendre à ce qu'on ait derrière de la croissance. On va choper une récession monumentale et donc on va se réendetter vitesse grand V. Donc tout ça fait que malheureusement, il y a quand même peu de moyens de s'en tirer proprement, on va dire. Est-ce que vous pouvez nous parler du lien également entre la dette et l'assurance-vie ? Qu'est-ce que c'est une assurance-vie ? C'est une créance sur une l'assureur. Une assurance vie, c'est de la dette. C'est-à-dire, en gros, une assurance vie, c'est quoi? C'est 6% d'immobilier, 6% d'actions et 88% d'obligues, avec une grosse moitié de ces obligues qui sont généralement des obligations souveraines des pays européens, et puis une moitié, une petite moitié, on va dire, d'obligations corporate. Et dans les obligations corporate, vous en avez une bonne partie qui sont des obligations bancaires, parce que on va dire qu'il y a des liens un peu incestueux entre la banque et l'assurance qui font que il se trouve qu'il y a pas mal d'obligations bancaires. Donc voilà le schéma. Alors après, il peut varier à quelques pourcents près, mais le schéma de l'actif d'un assureur, c'est à peu près ça. Et donc évidemment que vous êtes en risque. Alors l'avantage, c'est que chez un assureur, il n'y a pas d'effet de levier. C'est des actifs plus ou moins réels, mais vous n'avez pas d'effet de levier. Là où ça devient dangereux, c'est l'effet de levier qui est utilisé dans les banques, et les différents systèmes qu'on met en place aujourd'hui, les balles, tout ce que vous voulez, ne font absolument rien pour garantir quoi que ce soit. Pourquoi ? Bah, tout simplement parce qu'on vous parle de fonds propres. Alors je vais vous donner toujours les mêmes exemples, mais c'est l'exemple de la BNP et qui encore n'est pas la pire, et de loin en termes d'effet de levier. Mais la BNP fin 2012, vous aviez 60 milliards de fonds propres, vous aviez 2 000 milliards au bilan et vous aviez 48 000 milliards d'engagements sur les marchés à terme. Donc vous pouvez, si ça vous amuse, doubler les fonds propres, passer à 120 milliards. C'est pas ça qui va vous garantir les paumes que vous pouvez prendre sur 48 000 milliards. Voilà, je rappelle que 1% de 48 000, ça fait 480. Donc, problème réglé. Olivier Berruyer. Oui, quelques réactions. Ce qui a été dit, tout à l'heure, on parlait fort justement du déficit abyssal de 80 milliards d'euros. 80 milliards d'euros, il faut juste se rendre compte, c'est le salaire d'1,5 million de fonctionnaires. On dit, il y a 1,5 million de fonctionnaires là qu'on a payé d'un côté, mais juste on n'a pas pris l'argent aux Français pour payer ces 1,5 million. Donc c'est ce genre de truc qui viendra. Ces volumes sont juste colossaux. Par rapport à ce que disait Olivier sur on prendra l'argent aux pauvres, il y a souvent ce petit débat-là. On l'a généralement sur les revenus. Alors c'est vrai que sur des revenus, genre l'impôt sur le revenu, vous pouvez dire, je vais prendre quand même un peu d'impôt sur le revenu aux pauvres parce qu'ils sont nombreux, ça me fera une masse. Ici on parle de patrimoine, et sur le patrimoine, ça c'est pas vrai. Je répète, la moitié de la population, c'est 7% du patrimoine. Et encore dedans, j'ai l'immobilier, donc en patrimoine financier, il y a juste zéro. En fait, il n'y a rien à prendre, ils n'ont rien. Ouais, donc effectivement, comme les députés, il faut qu'ils gardent avec eux la moitié de la population, je pense qu'ils iront plutôt de ce côté-là, parce que c'est le seul qui en tout cas, c'est celui qui sera le plus facile à gérer. Au niveau de l'épargne, quel est notre problème ? Aujourd'hui, vous prenez une entreprise. Si une entreprise, elle a un actif de 1 million d'euros et qu'elle a des dettes de 500 000, je la fais très rapidement, on va dire que donc elle a des fonds propres de 500 000. Personne ne dit qu'elle a des fonds propres d'un million, parce qu'en fait, vous enlevez les dettes. Or, qu'est-ce qui se passe sur chacun d'entre nous aujourd'hui quand on a un particulier qui a 300 000 euros de patrimoine ? Il se dit qu'il a 300 000 euros d'épargne. Mais à aucun moment, il enlève une quote-part de dette à venir. Ces impôts-là, cette dette, c'est de l'impôt à venir. Qui se dit, j'ai 300 000 euros d'épargne, mais attention, ah oui, non, mais j'aurai 100 000 euros d'impôts qui vont me tomber un jour. Donc, mon vrai patrimoine, il est 200 000. Personne ne le fait. Or, comptablement, il faudrait bien le faire. Il faut bien réaffecter la dette à tout le monde. La dette, c'est 60 000 euros par ménage. Mais comme on disait que les pauvres n'ont rien, si je mets la dette uniquement sur les 10% des ménages les plus riches, c'est 600 000 euros par ménage, par chacun des 10% les ménages les plus riches qui ont de l'argent. Qui se dit, j'enlève 600 000 euros parce que je sais que ça va disparaître, c'est de l'impôt à venir, personne. C'est cette réalité-là qui va nous rattraper. En général, un ménage n'emprunte pas pour payer sa dette, or la France le fait. Oui, bien sûr. C'est un schéma de Ponzi qui est juste délirant et donc qui finira dans le sang et les larmes. Mais après. Mais c'est quoi le problème ? C'est de l'inconscience ? C'est de la délinquance ? Non, c'est de la facilité. Court-termisme. C'est du court-termisme parce que ça marche depuis 40 ans. C'est très confortable. C'est comme si tout un chacun allait vous aussi emprunter tous les mois à votre banquier 50% de votre salaire. Si vous avez un banquier assez stupide pour vous les donner, vous allez vachement bien vivre. Puis s'il fait ça pendant 40 ans, c'est sympa. Un jour, c'est moins sympa quand il faut passer les pertes. Et c'est bien évidemment ça qui est devant nous. Et il n'y a pas une sorte de morale. Tout à l'heure, aussi. Je ne disais pas qu'à plus de 100 000 euros, on est riche, ou c'est bien, ou c'est pas bien. Non, je dis juste que c'est un problème de comptabilité, c'est tout. La garantie est à 100 000. Si vous avez plus de 100 000 aujourd'hui dans votre système bancaire, bah voilà, vous prenez vos risques. Aujourd'hui, c'est 100 000 euros par banque, comme disait Philippe tout à l'heure. Bon, évidemment, ce genre de truc ne tiendra pas sur un gros défaut. Évidemment, ce sera rapidement modifié en disant c'est 100 000 euros au total, parce que sinon, c'est tout à fait non acceptable par la population. C'est extrêmement triste. Et moi, j'ai pas un regard en disant c'est chouette, c'est les riches, les méchants riches, les méchants épargnants qui vont prendre. C'est de la comptabilité. Oui, mais Philippe Erlin, à nos enfants, à qui on dira quoi? Qui sont les coupables? Qui sont les responsables? Ce sont les politiques, les banques, les assureurs, les épargnants, ceux qui votent? Enfin, moi, je pose pas le problème en termes de génération, parce que c'est Philippe Erlin. Ça se pose, mais c'est fait que depuis 40 ans, on laisse filer les déficits. Oui, mais depuis quelques années, vraiment, tout le monde en prend conscience. Là, il y a des débats sur BFM. Oui, il suffit d'écouter Olivier Delamarche et on peut prendre conscience. Alors, il n'y a pas besoin de chercher un coupable. Pourtant, dans le dernier débat, Olivier Delamarche, vous pointiez du doigt les politiques quand même. Bah, ils ont leur part de responsabilité, que je sache. Mais ceux qui les ont élus aussi. Voilà, ceux qui les ont élus. Donc c'est une co-responsabilité. Ce qu'on peut dire là-dessus, par rapport au problème de dépenses publiques, c'est que les Français sont en avance sur leur politique. J'ai vu depuis quelques années de multiples sondages qui ont été faits. On pose la question aux gens, qu'est-ce qu'il faut faire pour réduire le déficit budgétaire? Est-ce qu'il faut augmenter les impôts ou diminuer les dépenses publiques? Augmenter les impôts, à deux reprises, dans deux sondages différents, c'était 8% seulement. Ce qui est très intéressant, parce qu'il y a déjà la moitié des ménages qui ne payent pas l'impôt sur le revenu. Mais même eux, ils se rendent bien compte quand ils payent l'essence, les tabacs, qu'il y a trop d'impôts. Voilà. Donc il n'y a que 8%, et c'était en gros les deux tiers, la moitié ou les deux tiers, pour diminuer la dépense publique. Bon, tout à l'heure, Olivier disait 80 milliards de déficit, ça correspond à 1,5 million de fonctionnaires. On sait que la décentralisation a permis la création depuis les années 80 de presque 1 million de fonctionnaires territoriaux, dont on se demande en fait à quoi ils servent vraiment, parce qu'on n'a pas assisté à une explosion de qualité de services locaux, vraiment. Bon, est-ce qu'il fallait embaucher 1 million de personnes pour ça? Bon, donc voilà, les économies, elles sont à faire là. Mais moi, je crois vraiment que les Français commencent vraiment à comprendre le problème de la bonne façon, selon moi, c'est-à-dire qu'il faut vraiment taper dans les dépenses publiques. Et c'est le personnel politique qui n'ose pas. Voilà. On va en parler des Français avec Hélène Ferrand-Poloni, vous allez nous donner des exemples. Mais concrètement, là, moi j'ai l'impression qu'on va vers un effondrement économique, à vous entendre. Est-ce que on va refaire un petit sondage, oui ou non? Oui, mais enfin, le côté effondrement économique, il faut pas que ça devienne un truc comme les gauchistes pensent que la révolution va venir, parce que à ce moment-là, ça n'arrive pas. Ou, je veux dire, c'est pas aussi simple que ça. Ça va pas forcément se cristalliser. Et puis on ne peut pas non plus être uniquement dans l'attente d'une catastrophe, et au moment où ça arrivera, on dira ah ouais, j'ai raison, je vous l'avais bien oui, dit, c'est parce ça. Que bon, il ne faut pas une raison. Mais il y a ce danger pour vous. Mais maintenant, c'est vrai que nous sommes sur une bulle. La crise 2008, elle a été réglée en faisant plus de dettes et plus de planches à billets. Donc on a augmenté la dette et on a augmenté le risque depuis 2008. Donc on va vers une autre crise, voilà. C'est triste à dire, c'est comme ça, voilà. Mais c'est une crise comme les autres, ou c'est vraiment une crise sans précédent? Non, c'est plutôt une crise type crise de 29, quoi, vraiment. Crise de 29. C'est-à-dire qui pourra amener vraiment un effondrement du PIB, quoi. Vous êtes d'accord, Olivier Berruyer? Oui, enfin, ce sera une crise bien pire qu'en 29, parce que vous avez une interconnexion qui est gigantesque, et autant en 29, ça s'est diffusé trimestre après trimestre dans le monde entier, là, ça se comptera en heures, l'effondrement. Tout à l'heure, quand on disait, tiens, les plus riches, ils auront les moyens de mettre leur argent à l'étranger, mais le problème, c'est que le jour où le système bancaire français saute, vous avez le système italien qui saute, le système anglais qui saute, le système américain qui saute, le système d'Hong Kong qui saute, vous allez avoir un effondrement, parce que toutes les banques sont en risque systémique. Donc ça, c'est la triste... Olivier Berruyer, ça, vous pensez que vous allez le vivre de votre vie? Oh, bah, si Dieu me prête vie encore quelques trimestres, oui, ça c'est bien évident. Ouais. Quelques trimestres. Ça c'est bien évident, mais oui, évidemment. Et vous n'êtes pas sur du très long terme, ni même sur du moyen terme à ce niveau-là. C'est déjà. Moi je suis stupéfait. Je dirais chaque trimestre qui se termine, que le truc ne se soit pas encore écroulé. Hein. C'est miraculeux. Ouais. C'est, voilà, mais parce que vous êtes sur un système de point de vue. Je veux dire, sérieusement entre nous, là, qui fait confiance à Pierre Moscovici? Non, entre nous là. Bon, voilà, donc, on a bien la réponse. Ce type-là, tous les ans, arrive à lever 400 milliards d'euros à 3% sur 10 ans. C'est assez bien parce qu'il y a des épargnants au bout, certes indirectement à cause de, enfin, en tout cas passant par le biais d'institutionnels qui financent ce truc-là. Enfin, au bout d'un moment, on va dire comme ces gens-là sont juste ridicules, ne maîtrisent strictement rien. Et évidemment, on est quand même à la septième année de crise. On a toujours, comme je disais tout à l'heure, 80 milliards de déficit. Alors qu'en plus, niveau économie, ça va pas si mal que ça. On commence à avoir un petit 0,5% de croissance, peut-être un. On est loin d'être en dépression. C'est 80 milliards. Donc, autrement dit, la prochaine récession, c'est hop, on repasse à 100, 120, 130 milliards de déficit. Et on trouve sans arrêt des épargnants pour venir financer ça. Je veux dire, après aussi, moi, je vais être un peu provocateur, dire aux épargnants de savoir ce qu'ils font de leur argent. Quand vous le mettez dans une banque, vous êtes créancier de la banque. À vous de savoir, de vous interroger un minimum sur quelle est la solidité de la banque. On sait bien aujourd'hui que les banques ne sont pas solides. On sait bien que si vous mettez votre argent dans une banque et qu'il y a 3000 traders qui font mumu sur le yen, faut poser des questions quand même. On peut pas juste dire, excusez-moi, je comprends pas, Pierre Moscovici m'avait promis que ça allait être sans risque, que vraiment les banques, elles allaient bien. Non, c'est pas sérieux. Donc après, il faut aussi un petit peu de responsabilité personnelle là-dedans. Il y a déjà des banques où il n'y a pas de traders. Déjà, aller mettre son argent là-dedans, vous diminuez quand même vos risques de façon sérieuse. Et ça, c'est la même façon sur plein de sujets. On parlait tout à l'heure de la responsabilité, bien sûr, que les politiques ne font rien, mais enfin le politique il va dire tiens j'ai une bonne idée, je vais remettre les trucs à l'équilibre, il va juste pas être élu, donc effectivement tout le monde est dans une boucle de responsabilité. Mais les lois bancaires bidons qui sont votées partout et qui refusent d'aller sécuriser l'argent, qui refusent de s'attaquer à ces formes de spéculation, mais qui sont délirantes, qui sont complètement déconnectées de la réalité. Tout à l'heure Olivier parlait du marché des dérivés. Une partie des dérivés c'est du dérivé de change. C'est quoi le marché des changes ? Vous avez aujourd'hui sur la planète tous les jours 70 milliards d'exportations de biens et services. Donc à la rigueur, même si je couvrais tout, et si tout était dans des monnaies différentes, il me faudrait 70 milliards de couverture par jour. Il y a combien d'échanges sur les marchés financiers tous les jours sur le marché d'échange ? 5000 milliards de dollars. Et ça monte en permanence, ça monte de 1000 milliards tous les 3 ans. Non mais c'est du délire à ce niveau-là. Et pourquoi ? Parce que c'est des gens qui sans arrêt sont en train de parier. Tiens, demain le yen il monte. Tiens, demain la monnaie de l'Argentine va baisser. Ah, c'est ça en permanence. Mais derrière, il n'y a pas d'économie réelle. C'est juste de la spéculation. C'est des banques qui sont en train de se mettre en danger sur des sommes faramineuses là-dessus. Et évidemment, du jour au lendemain, il va se passer ou un défaut de l'Argentine ou une révolution, je sais pas où, ou un référendum qui sera loupé dans un des pays de la zone euro, ou les Allemands qui claqueront la porte. J'en sais rien. Enfin, évidemment, tout ça s'écroulera assez prudemment, assez brutalement. Alors, avant de parler concrètement de ce que vous visez avec les épargnants, Maître Ferron-Polony, je voudrais un mot d'Olivier Delamarche. On va vers la ruine des épargnants. Vous êtes d'accord avec ce que dit Olivier Berruyer aussi ? Voilà, donc on a fait notre tour de table. On va finir avec nos deux avocats pour cette question. Non, vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Quelle solution ? Oh ben, y a une étude très claire. Maître Ferron-Polony. Fukushima bancaire qui est sortie à la fin de l'année 2013, qui résume bien tout ce qui vient d'être dit. En attendant, pour les épargnants, quelle autre solution que d'être investi dans les établissements bancaires, dans les établissements d'assurance ? C'est là que il nous appartient de les défendre, parce qu'on ne va pas remplir nos matelas de billets. Alors concrètement, déjà, quand tous les épargnants que vous voyez à votre cabinet, quelles sont leurs attentes ? C'est quoi leur problème ? Est-ce que vous pouvez nous donner 3-4 exemples ? Il y a une grosse partie des épargnants qui ont perdu tout ou partie des avoirs qu'ils avaient sur soit des comptes titres, soit des plans d'épargne en action qui étaient sous gestion et dont ils ont perdu une bonne partie sur les marchés boursiers parce que, alors bien sûr, nous défendons ceux qui sont victimes de mauvaises pratiques et de non-respect des règles arrêtées entre eux et leur établissement bancaire parce que le mandat de gestion n'a pas été correctement respecté ou parce qu'on ne les a pas informés des risques qu'ils prenaient en souscrivant à tel ou tel produit structuré par exemple, qui présente quand même quelques dangers. Il y a également les épargnants qui sont investis dans les contrats d'assurance vie. Bon, là, je pense que depuis 15 ans, on sait que l'assurance vie, ce n'est plus la protection de l'épargne. L'assurance vie, c'est un produit financier comme un autre, un produit boursier comme un autre, et que l'on peut perdre une part importante de son épargne dans ces contrats. Là, nous leur proposons des solutions qui sont à mettre en œuvre rapidement actuellement. On vous dira pourquoi. Des solutions qui passent par l'annulation de la souscription des contrats d'assurance vie. Donc c'est ça quoi, amène les compagnies d'assurance à rembourser. C'est un défaut de conseil ou... Ça repose sur un défaut d'information correcte au moment de la souscription du contrat. Or, nous pouvons constater que pour tous les contrats qui ont été souscrits au plus mauvais moment, c'est-à-dire en phase haute du marché action en 2006, début 2007, ces contrats ne respectent pas pour une très large partie les textes applicables, les textes de loi, hein, le code des assurances. Et par conséquent, les épargnants peuvent solliciter l'annulation du contrat d'assurance vie du fait du non-respect de cette obligation pré-contractuelle. C'est une démarche que nous leur conseillons de faire parce que le contrat d'assurance vie, c'est un vecteur extrêmement important en France pour le placement de l'épargne, dont la commercialisation est poussée au niveau marketing par les compagnies d'assurance de manière massive. Donc, les souscripteurs que sont les assurés doivent impérativement être correctement informés du produit qu'ils achètent. D'accord, donc ça, mon épargne en danger, d'accord, mais est-ce que c'est lié à la crise, ça ? Ça a toujours existé, Non, ça n'a pas toujours existé. Non, ça n'a pas toujours existé. Non, c'est lié non, à la crise non. pour vous ? Ah bah bien sûr, hein. C'est lié à la crise, c'est lié aux différents cycles économiques qui se sont rapprochés. Et depuis la fin des années 90, on constate que finalement, les épargnants ne rattrapent jamais leur retard et que le seul moyen pour eux de récupérer leur épargne, finalement, c'est d'annuler les contrats qu'ils ont souscrits quelques années plus tôt. Alors, j'ai entendu parler d'une affaire qui est extrêmement étonnante. On parlait de spoliation tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous parler des contrats d'assurance vie non réclamés ? Apparemment, l'AGFIActif parle d'un scandale à venir pour 2014 qu'ils ont déjà constaté, mais dont ils n'ont pas encore parlé, sur des bénéficiaires qui n'auraient pas reçu leur argent alors que la compagnie était au courant. Oui, les contrats en déshérence ou l'épargne en déshérence, c'est effectivement ce scandale rampant depuis de nombreuses années. Ça a été chiffré à plusieurs milliards d'euros parce que des enquêtes cette fois-ci sérieuses ont été menées à la demande du Parlement. Ça a révélé que un certain nombre de compagnies d'assurance ne recherchent pas les bénéficiaires alors qu'à l'évidence elles reçoivent des signaux selon lesquels un souscripteur de contrat d'assurance vie est décédé. Et il semble, du dernier rapport, qu'il y ait deux compagnies d'assurance qui soient particulièrement dans le collimateur. Et l'autorité de contrôle prudentiel est en train de mener une enquête complémentaire, alors qui risque de prendre du temps, mais qui devrait déboucher en 2014 ou en 2015. C'est déjà à leur échelle assez rapide. Qui fera l'objet d'une publication avec publication du nom des compagnies compte tenu de l'ampleur du scandale. Apparemment, c'est du jamais vu. Le président de l'ACP a dit qu'il en avait honte, mais de manière très virulente. Oui. Et nous avons des clients qui viennent nous voir pour ce type de problème. Alors, soit parce qu'ils considèrent qu'ils sont bénéficiaires de contrats d'assurance vie, mais comme par hasard, ils n'ont pas de lien et de contact avec les compagnies d'assurance et n'arrivent pas à savoir exactement quel est l'état du patrimoine qui a été confié par leur aïeul ou celui dont ils détiennent les droits auprès de cette compagnie d'assurance. Mais il y a également ceux qui ont souscrit des contrats d'assurance vie ou des contrats de capitalisation qui sont arrivés à terme et dont la compagnie d'assurance n'a jamais restitué les fonds. Moi, j'ai le cas d'une personne qui est titulaire de plusieurs bons de capitalisation, qui appelait régulièrement sa compagnie d'assurance à propos de deux ou trois bons, jusqu'à ce qu'il réalise, alors que la personne dans la compagnie d'assurance a sur l'écran le nom du souscripteur et les différents bons qui sont en cours ou qui ont d'ores et déjà été souscrits, a découvert très tardivement qu'il avait six bons qui étaient arrivés à terme depuis de nombreuses années. Et il a réclamé le règlement des bons, bien sûr, auprès de cette compagnie d'assurance. Il a réclamé des intérêts de retard que, bien sûr, la compagnie d'assurance ne veut pas lui régler. Et ça, c'est de l'épargne en déshérence. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les inquiétudes des épargnants. Est-ce que vraiment vous le vivez ? Olivier Delamarche aussi, j'aimerais savoir, parce que vous n'avez pas répondu vraiment tout à l'heure. Est-ce que vous avez des réactions ? Moi, je viens chez vous parce que... ailleurs. Bien sûr, c'est. Olivier Delamarche. Je voudrais rebondir juste sur l'assurance vie. pas sur les contrats en déshérence, mais sur les pertes que font les souscripteurs dans l'assurance vie. Je crois qu'il y a, une mauvaise compréhension déjà de la part des gens. L'assurance vie, ce n'est pas une classe d'actifs. L'assurance vie, c'est une enveloppe fiscale. Point. C'est une créance. C'est d'abord une enveloppe fiscale. C'est pas une classe d'actifs, comme certains le disent. C'est quoi une assurance vie? Ça dépend si c'est le fonds euro ou si c'est des supports en unité de compte. Mais qu'est-ce que c'est? C'est des actions, c'est des obligations. Et donc, c'est exactement comme si vous aviez un compte titre normal. Simplement, vous avez mis une enveloppe fiscale qui s'appelle l'assurance vie dessus. Bon, et ça, les gens, la plupart, ne le prennent pas comme ça, ne le comprennent pas comme ça, et après sont surpris quand il y a des pertes. Mais s'ils ont investi dans des actions ou s'ils ont investi dans des produits dangereux, oui, ils sont en risque de perte. Que ça s'appelle une assurance vie ou que ça s'appelle pas une assurance vie, le problème est autre. Ça n'est pas une classe d'actifs. C'est simplement une enveloppe fiscale que vous mettez sur un portefeuille. Point. Donc, à vous aussi, enfin, aux souscripteurs aussi, de se renseigner un tout petit peu et de pas y aller, comme d'habitude, les yeux fermés, en se disant « Ah ben, le banquier, il est gentil » ou « Mon assureur, il est gentil, il m'a proposé ça. » C'est sûrement que ça doit être très bien. Il faut aussi quand même un tout petit peu responsabiliser les gens qui ne mettent pas leur argent n'importe où, qui ne mettent pas leur argent dans n'importe quel produit, qui ne mettent pas leur argent dans n'importe quelle banque. Il y a quand même des solutions. On n'est pas obligé. J'ai vu une pub récemment qui m'effare sur le livret de Peugeot. C'est quand même extraordinaire. Qui vous assure du 5%. Que fait l'AMF? Que fait l'AMF? Parce que le jour où ça va se planter, parce que c'est quoi? Ce sont des obligations Peugeot hein, qu'il y a dedans, donc d'une société qui est en faillite, je vous rappelle, et c'est distribué aujourd'hui. Et donc vous avez des gens qui vont souscrire à ça. Vous allez avoir du boulot, hein, je vous le dis. Justement. Mais c'est pas maintenant que vous avez du boulot. Vous allez voir ce que ça va donner dans quelques trimestres, comme le dit Olivier. Est-ce qu'on peut parler justement des autorités de contrôle? Alors sur les solutions, il y a des solutions. C'est-à-dire que aujourd'hui, Olivier l'a dit tout à l'heure, vous n'êtes pas obligé d'aller déposer votre compte dans une banque qui utilise des effets de levier entre 25 et 50 ou 60. Vous avez des banques qui sont des banques privées qui n'ont pas le droit de faire du trading, qui n'utilisent pas leurs fonds propres pour faire du trading. Vous n'avez pas dans ces banques-là 500 petits Kerviel qui font les cons avec les fonds propres de la banque. Hein. Donc, vous avez des banques qui sont quand même plus solides que d'autres. Vous avez des banques qui ne font pas qui n'ont pas d'activité de prêt, ni aux entreprises, ni aux particuliers, etc. Donc, qui ne font pas le petit jeu comptable qui consiste à créer de l'argent à partir de rien. Et donc, voilà, vous avez des banques qui sont sorties du circuit systémique, si vous voulez. Alors, ça ne veut pas dire pour ça qu'elles gagneront de l'argent le jour où ça va s'écrouler, mais ça n'empêche que vous avez moins de risques dans ces banques-là. Donc, évidemment, vous avez de plus en plus de gens aujourd'hui qui commencent à se poser de sérieuses questions sur la solidité de leur banque et sur l'avenir de leur épargne et qui, aujourd'hui, choisissent des solutions autres. Voilà, il y en a. Il n'y en a pas 36 000. Vous n'avez très probablement pas de solution qui va complètement vous mettre votre risque à zéro, ça n'existe pas. En revanche, vous pouvez quand même diminuer une partie des risques. Voilà, et aujourd'hui, je pense que les gens, au lieu de se poser la question de savoir quelle return ils vont avoir sur leur épargne, ferait bien de se poser la question de savoir comment est-ce que leur épargne peuvent leur être retournée. Alors on va en parler des solutions. Vous vouliez réagir, maître ? Oui, moi je voulais réagir par rapport à ce que disait Olivier. C'est bon, ce qui aussi est sur les autorités de contrôle. Et par rapport aux autorités de contrôle, j'y viendrai aussi. Bon, et ce qui est dit est très intéressant. Maître Lucas Vallon. L'épargnant lambda n'a pas la sagacité d'Olivier de Lamarche. Donc il y a beaucoup de choses qu'il ne sait pas, il y a beaucoup de choses qu'il ne peut pas appréhender. On est bien placé pour le savoir dans notre travail de défense des épargnants, puisqu'on défend des chefs d'entreprise, parfois des grands chefs d'entreprise, qui sont très entourés, très rompus à la vie des affaires, qui ont de multiples conseils, qui se font avoir comme des enfants. Parce que d'abord, ce sont des métiers qui sont basés sur la confiance. Donc le principe, effectivement, si votre interlocuteur en matière de gestion d'actifs ou votre conseil en gestion de patrimoine, il ne vous inspire pas confiance, vous n'y allez pas. Et c'est cette notion de confiance qui va présider à l'investissement. Donc les investisseurs partent du principe qu'ils ne sont pas là pour disséquer, auditer, analyser la moindre information. Ils ont peut-être peu de tort, mais c'est comme ça. Et admettez au moins que c'est peut-être pas le cas des chefs d'entreprise, mais que la plupart des épargnants n'ont pas forcément un accès à l'information et une pertinence dans l'information que vous pouvez vous avoir dans vos activités, tout simplement parce que ce n'est pas leur métier et qu'on sait bien qu'effectivement les informations elles sont occultées. Ça amène effectivement à la question des autorités de contrôle. Parce que si l'autorité de contrôle fait bien son travail, elle doit agir évidemment avec l'indépendance requise. Et on constate malheureusement que tel n'est pas le cas parce qu'il y a très nombreux produits. On a beau être informé parfois du côté des épargnants, dont l'appréhension correcte est très difficile, surtout si le contrôleur n'a pas été jusqu'au bout de sa mission dans la description du produit, dans son analyse. On est tout le temps confronté, nous, à ces problèmes. Il faut dire les choses. Il y a certaines autorités qui n'ont pas l'indépendance et, je dirais, la force de persuasion qu'elles devraient avoir. Il y a aussi un phénomène de consanguinité à la française, c'est-à-dire qu'on va constater que le contrôleur, ce sont souvent les mêmes qui passent d'un poste de direction au sein des entreprises, donc qui sont contrôlés, et qui vont se retrouver en charge de missions parfois importantes au sein de l'autorité de contrôle. Donc tout ça, effectivement, ça fait des dysfonctionnements qui sont probablement dus à un manque d'indépendance. Bon, des exemples, il y en a de très nombreux, je pense que Olivier les connaît aussi. C'est par exemple, on nous dit, c'est aux épargnants de faire attention sur la présentation des produits. Mais quand on voit les produits structurés qui maintenant servent beaucoup de valeur de référence au contrat d'assurance vie, on sait bien que même pour les professionnels, ce sont des produits qui sont difficilement compréhensibles, voire totalement incompréhensibles. Et ils sont présentés la plupart du temps comme, par exemple, des produits à capital garanti, alors qu'on sait que ce sont simplement des mécanismes de protection du capital sous certaines règles qui, malheureusement, ne fonctionnent pas toujours, si bien que la protection vole en éclats et qu'on peut se retrouver sur ces produits avec des pertes en capital qui sont tout à fait considérables, alors qu'ils ont été présentés comme protégeant le capital de manière tout à fait efficace, mais dans une présentation qui est trompeuse, il faut aussi dire les choses, et qui va générer des préjudices. Et si on analyse de manière tout à fait objective la situation, ben on s'aperçoit que quel est le garde-fou entre le commercialisateur du produit et l'épargnant, parce que souvent, il n'y a rien ni personne. Et si ces produits structurés ont servi de valeur de référence à des contrats d'assurance vie, ce n'est certainement pas la compagnie d'assurance qui a fait preuve d'objectivité dans la commercialisation de tels produits de placement. Eh bien, le seul garde-fou, c'est l'autorité de contrôle. Et quand l'autorité de contrôle n'est effectivement pas suffisamment présente, on assiste à des distorsions, des anomalies qui sont génératrices de préjudice. J'ai parlé des produits structurés, Mais il y a aussi les fonds à promesses qui sont des OPCVM qui ont été diffusés dans le grand public. Ben, on pense à Doubleau, bien sûr, on pense à Bénéfique, on pense à Écureuil Europe 2003-2004, qui sont des fonds communs de placement des SICAV, qui ont été vendus avec des règles de fonctionnement extrêmement complexes, mais qui, dans leur présentation, suivant les plaquettes commerciales, qui sont bien sûr les seuls documents à avoir déterminé le consentement des intéressés, étaient présentées comme étant quasiment sans risque, alors qu'elles ont généré des désastres. Donc ça, il faut savoir que c'est avant tout parce que le contrôle, l'interface qui est entre l'épargnant et le professionnel ne respecte probablement pas bien sa mission. Je voudrais dire un dernier mot par rapport aux risques et aux inquiétudes des épargnants. Et il y a effectivement deux types de risques dont on peut se prémunir. Il y a le risque fiscal, on en a parlé tout à l'heure, ça bien sûr, on ne peut pas faire grand-chose et c'est vrai qu'il y a des évolutions qui sont inquiétantes. Il faut quand même dire que les risques de défaut d'établissement, même si ce sont des établissements de premier rang, sont souvent générateurs de responsabilités et là aussi, il faut du côté des épargnants ne pas prendre les choses comme une fatalité. Il y a un exemple qui est bien entendu tout à fait classique maintenant, c'est la commercialisation de Luxalpha, qui a, comme chacun sait, été touchée par le scandale de l'affaire Madoff. Et il y a beaucoup d'épargnants encore qui considèrent que c'est une fatalité et qu'il n'y avait rien à faire. Il y a eu la faillite de Lehman Brothers également, qui a été pris comme une fatalité par un certain nombre d'épargnants. Mais il faut savoir qu'en réalité, il y a des recours. Nous, au cabinet, on est très spécialisés dans les préjudices qui sont liés à l'affaire Madoff. On a recouvré la quasi-totalité des préjudices dont on nous a confié la charge, parce qu'il y avait des recours contre les compagnies d'assurance, parce qu'il y avait des recours contre les commercialisateurs, parce qu'il y avait des recours contre les teneurs conservateurs de comptes. Et ça marche. Et on a des transactions et on a des indemnisations. Donc il y a des solutions juridiques. Il y a des solutions juridiques et ce risque de défaut des institutions, il ne faut pas toujours prendre ça comme une fatalité. Il faut savoir qu'il y a des solutions qui se présentent, même si le contrôleur a été à la base défaillant. Très bien. Là, on est dans la dernière partie où on parle des solutions. Je pense que c'est la partie qui va le plus intéresser tous les internautes, tous ceux qui vont voir cette vidéo. Philippe Erlin va récupérer son temps de parole parce qu'il a beaucoup de choses à dire, notamment sur l'or, sur le bitcoin. D'abord, je voudrais juste interroger Philippe Olivier Berruyer parce que j'ai regardé sur son site lescrises.fr où il donne des conseils. Ne gardez jamais plus de 50. On est dans les solutions, donc parlons-en. Ne gardez jamais plus de 50 000 euros dans une seule banque. Le plafond est 200 000. Ne restez pas si possible dans une banque universelle. Exigez une banque sans traders. Réfléchissez bien avant de mettre votre argent à l'étranger. Diversifiez absolument vos placements, liquidités, obligations d'entreprise, pouvant résister à un choc brutal, par exemple EDF, immobilier, investissement physique, 10 à 20% d'or, plus ce serait risqué, car spéculatif. Ça, on le trouve donc sur le site lescrises.fr. Ne gardez pas des actions. Profitez du fait que la bourse est encore haut pour sortir. Peut-être un bon conseil. N'ayez aucune confiance absolue dans l'indépendance d'un conseiller financier. Il faut avoir confiance à personne. Je me souviens très bien de votre conseil dans le premier débat. Il faut tout vérifier. Si vous êtes une entreprise, attention à la gestion de votre trésorerie, etc. etc. Ayez assez de liquidité pour tenir 2 semaines avec des banques fermées et donc sans paiement électronique ou carte bancaire, sans sombrer dans l'excès. C'est ça, Olivier Berruyer ? Oui, enfin, je donne pas trop de conseils, ça vous l'avez trouvé. En effet, une fois, j'avais été quand même mis un peu sous pression. J'ai donné quelques conseils un peu de bon sens, qui consistent à dire, bon, voilà, faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, faut être conscient des problèmes qui sont devant nous. Olivier Berruyer. Point important, peut-être, en effet, vous avez souligné tout à l'heure, hein, vous parliez de l'épargnant lambda. On sait que l'épargnant lambda qui a 5000 euros d'épargne, bon, c'est sûr qu'il est lambda, que c'est pas facile de se faire conseiller, ceci étant, comme Dieu, je pense qu'il a vraiment pas grand risque. Sauf s'il y a une inflation. Oui, ça c'est autre chose. Hyperinflation, là, c'est pour ça, tout le monde. Ça après, c'est autre chose. Oui, donc c'est beaucoup d'argent pour lui. Bien sûr. Bon, après, l'épargnant lambda qui a 100 000 ou 150 000 euros de patrimoine, il a beau être lambda, il a beau pas être professionnel, il a donc de quoi payer un conseiller, qui peut-être déjà essayer de lui éclairer l'esprit. Bon, après, il faut regarder. La question, c'est c'est quels sont les types de conseillers. C'est-à-dire, si vous allez voir un conseiller qui est payé par la banque au final en fonction des produits qu'il vous vend, c'est sûr que le conseil il risque d'être assez limité. C'est-à-dire, si vous n'allez pas voir des conseillers que vous rémunérez vous et dont vous vous assurez que personne d'autre lui verse des rétrocommissions en fonction de ce qu'il vend, votre épargne va sans doute être un peu plus en sécurité que si vous faites en effet confiance au premier guichetier que vous allez voir dans votre banque. Au niveau de la qualité d'information et du contrôle, en effet, la consanguinité chez nous est particulièrement marquée. On a vu qu'on a une autorité qui est l'autorité de contrôle et de supervision sont extrêmement peu efficaces. Elles ont déjà largement échoué en 2008-2009. C'est toujours les mêmes personnes qui sont là. Je veux dire, c'est quand même assez fabuleux, voire on les a promus à la BCE, ce qui en dit long sur ce qui va se passer devant nous. Donc après, juste pour en venir au conseil, en effet, évitez les banques les plus à risque. Vous n'êtes pas obligé de garder tout votre argent dans des établissements financiers pour essayer de diversifier. Mais ça, je vais peut-être passer la parole à d'autres personnes Oui. Juste une petite illustration. Maître Feron, Polony. Au niveau de l'autorité des marchés financiers, il y a un député du Parti communiste qui a interpellé Bernard Cazeneuve sur la nomination d'une représentante de l'UBS à l'autorité des marchés financiers. C'était au début de ce mois de janvier 2014. Et en disant, par rapport aux sanctions qui ont été prononcées contre cet établissement, ça ne vous pose pas problème, hein. Est-ce que vous auriez quelques explications à nous donner? Et alors la réponse de Bernard Cazeneuve était absolument magnifique, parce qu'elle n'a absolument pas traité le sujet pour lequel il était interpellé. Ah non, c'est un métier, hein. Et on a vu la semaine dernière, Olivier Bruyé, la semaine dernière aussi cette chose hallucinante qui est comme le gouverneur de la Banque de France, Christian Noyer, qui a allumé, qui a tiré à boulet rouge sur Michel Barnier, qui propose au niveau européen une réforme bancaire, qui va dans le bon sens sans être révolutionnaire. C'est-à-dire, on ne va pas attendre des révolutions de la Commission européenne. Mais pourtant, il y a le régulateur qui s'est mis à hurler, donc qui est là en défense quasiment complète de tous les intérêts des banques et absolument pas des épargnants et des clients. Mais je veux dire, quand on a ce genre de système qui a ce niveau de corruption intellectuelle, oui, c'est sûr qu'il ne faut pas se plaindre au final si ça se finit. C'est pas de la... Maître Feron, Polony. Sur ce point, à propos de délinquance, vous avez raison d'évoquer la question, parce que nous avons obtenu la première condamnation d'un établissement bancaire pour tromperie avec les documents publicitaires diffusés pour la commercialisation du produit Doubleau. C'était la Caisse d'épargne qui a été condamnée. C'est une décision de novembre 2013. Première décision de cour d'appel, condamnation pénale contre un établissement bancaire. Alors Philippe Erlin, on va continuer à parler de solutions. J'aimerais quand même qu'on dise un mot sur les garanties. On en avait parlé la dernière fois, on en a parlé tout à l'heure. Pour vous, est-ce que j'ai une épargne en cas de crack, en cas de gros soucis, est-ce que mon argent est garanti? Ah oui, alors cette histoire de garantie, ça c'est plus électoral qu'autre chose, parce que le fonds de garantie pour les comptes bancaires en France, il est abondé à hauteur de, je sais plus, genre 2 ou 3 milliards d'euros. Donc, ça correspondrait à quelques dizaines de milliers de comptes, quoi. Et donc, ça peut marcher pour une... Si une petite banque fait faillite à ce moment-là, bon, oui, ça peut marcher. D'ailleurs, ça s'est déjà produit une fois. Mais si c'est une grande banque de réseau... La dernière fois, vous donniez l'exemple, Maître Feron Polony, de la Société Générale. Si la Société Générale faisait faillite, chaque personne aurait 100 euros, oui, c'est ça. Chaque personne aurait 100 euros. OK. Alors, les solutions... Maintenant, c'est le Crédit Agricole dont il faut parler. les solutions, celles qui ont été données là tout à l'heure sont justes. En plus, à un moment, on parle de l'or, donc ça peut que me satisfaire. Moi, il y a deux actifs dont je voudrais parler rapidement comme moyen de protection, je dirais, absolu. Aussi bien parce qu'on sort du secteur bancaire et puis on sort de la monnaie euro. Donc, si tout ça s'écroule, on est protégé. Le premier, donc, c'est l'or. Mais c'est l'or physique uniquement, hein. C'est pas des produits, c'est-à-dire qu'on achète des Napoléons ou des lingots, si on a un peu plus d'argent, on les achète. Alors on peut les acheter à sa banque, hein, parce que l'organisme qui gère les pièces et les lingots, qui est CPOR, d'ailleurs a des actionnaires bancaires, donc on peut en acheter au guichet de sa banque, sinon on peut aller rue Vivienne. C'était bien précisé par lescrises.fr, hein, or voilà, physique. Voilà, très bien. Sinon on peut aller rue Vivienne, où il y a plusieurs vendeurs comme Joubert ou CGB ou d'autres, L'or physique, ça, c'est une vraie sécurité. Alors maintenant, vous pourriez me dire, mais l'année dernière, lors du dernier débat, j'en avais aussi parlé. J'allais vous le dire. Et depuis, le cours a baissé, alors que le cours des actions a monté. Donc, sans qu'on achète les actions à ce moment-là, on gagnait de l'argent. Mais il faut toujours raisonner par rapport au risque et par rapport à ce qu'on explique ici sur le risque global du système financier européen et mondial. Bon, vous pouvez acheter les actions, mais il y a un risque énorme de chute. Là, depuis quelques semaines, les marchés ne se portent pas très bien. Bon. Certains peuvent penser que ça va repartir et s'ils le pensent, qu'ils en achètent. Mais il y a un risque énorme. Et quand on écoute différentes interventions qu'on peut faire par ailleurs, bon, on comprend qu'il y a un risque énorme et que je ne peux pas conseiller les actions. Voilà. L'or, pour comprendre pourquoi l'or baisse, c'est que les banques centrales ne veulent pas que l'or monte trop parce que ça montrerait leur incompétence, ça montrerait que la monnaie dont elles ont la charge baisse. Et on observe vraiment... Alors moi, je ne suis pas du tout adepte des théories du complot, mais... Quand même, il y a quand même une volonté des banques centrales, de faire en sorte de casser le cours de l'or. Vous voulez dire que ce sont les banques centrales qui manipulent le cours de l'or ? Voilà, enfin qui manipulent, qui font en sorte qu'il ne monte pas trop, et on l'observe très concrètement avec, par exemple, ça s'appelle de la manipulation, de ne pas montrer. Oui, mais d'ailleurs, il y a des banques centrales. D'ailleurs, certaines banques américaines n'ont pas forcément intérêt à ce que ça monte. Voilà. Ça commence à tomber parce que la Deutsche Bank a été mise en examen pour manipulation du cours de l'or. En plus de bien d'autres marchés d'ailleurs, mais pour l'or. Et elle a annoncé qu'elle sortait du marché de l'or récemment. Donc ça commence, il y a des infos qui commencent à venir dans les grands médias. Mais autrement, on a observé régulièrement sur les derniers mois, dernières années, des ventes par exemple d'or papier dans des quantités énormes en une seule fois. Ce qui est complètement aberrant parce que vous faites chuter le cours. Si vous avez une quantité importante à vendre, vous fractionnez votre ordre. Sinon, vous êtes sûr de perdre de l'argent puisque vous allez faire chuter le cours. On assistait ça de façon régulière. Et puis on assiste aussi à un relèvement de l'appel de marge. Ce qui fait que ça oblige les intervenants sur le marché à tout de suite à vendre leur or pour avoir du cash et le mettre en dépôt auprès du marché. Donc ça fait chuter le prix. Et donc il y a tout un système comme ça où on voit donc des attaques sur le marché de l'or papier. Par contre, quand on regarde les chiffres de vente d'or physique, de pièces et de lingots, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, mais surtout en Inde et surtout en Chine, on voit une progression vraiment très forte. Donc il y a des gens qui sont conscients que c'est pour eux une vraie sécurité, ouais, et les ventes d'or physique dans le monde se portent très bien. Donc c'est pour ça, j'ai envie de dire aux gens, profitez-en, l'or n'est pas cher. Voilà, c'est vraiment le... Et il risque, selon vous, si ce scénario aboutit, à grimper de façon fulgurante ou... C'est-à-dire qu'après, quand une crise importante viendra et que les banques centrales ne pourront plus vraiment... agir sur le marché de l'or, le cours de l'or se mettra à monter de façon importante. Mais ce n'est pas à ce moment-là qu'il faudra en acheter. Hein, parce que donc ici, tout le monde est d'accord pour dire que ça va très mal. Mm-hmm. Donc ici, tout le monde a de l'or. Voilà, moi j'en ai. Ouais. D'accord. Physique. Ouais. Et alors l'autre, c'est le Bitcoin. Ça, c'est un sujet alors, plus particulier. Alors le Bitcoin, vous venez d'écrire... Ça va pas parce qu'une émission, mais je vais essayer de faire... La révolution du Bitcoin. Le Bitcoin... Qu'est-ce donc le Bitcoin ? Pour faire très court et rapidement, le Bitcoin, c'est une monnaie électronique décentralisée, et c'est le terme décentralisé qui est important, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de banque derrière, il n'y a pas de banque centrale. Ça marche sur un réseau peer-to-peer, il n'y a pas d'entreprise qui le contrôle, qui puisse mettre la main dessus. C'est un système qui est... Cette monnaie est née le 3 janvier 2009. Et l'autre caractéristique fondamentale qui permet de comprendre l'intérêt de cette monnaie, c'est qu'on sait à l'avance... qui en aura une quantité limitée. Il n'y aura jamais plus de 21 millions de bitcoins en circulation. Alors, ça ne pose pas de problème pour les transactions parce qu'on peut aller jusqu'à la 8e décimale et puis on pourra augmenter, mais bon. Il n'y aura jamais plus de 21 millions. Donc, c'est pour ça, moi, je dis, on peut parler d'or numérique parce que c'est un peu une monnaie matière première. C'est comme l'or, il y a une quantité d'or dans le monde. On en trouve un peu dans les mines tous les ans, mais il y a une quantité d'or dans le monde qui est à peu près stable et on sait qu'on ne peut pas la dupliquer rapidement. Le bitcoin, c'est pareil. À aucun moment, il n'y aura de planche à billets. À aucun moment, quiconque pourra dire bon, on va créer 1 million de bitcoins en plus pour... Non, ça, c'est pas possible. Mais pas de bitcoin chez vous, alors. C'est une sorte de numérique physique. C'est comme l'or physique. Alors, c'est pas complètement virtuel. C'est un peu contradictoire. Les gens disent le bitcoin, c'est complètement virtuel parce que... Non, c'est faux. Enfin, le bitcoin, c'est un réseau. Aujourd'hui, le réseau bitcoin, c'est une des puissances de calcul les plus importantes qu'on puisse trouver dans le monde, quoi. Parce que pour faire fonctionner ce réseau, il faut qu'il y ait des gens, et notamment ce qu'on appelle les mineurs, qui valident les transactions. C'est-à-dire que c'est des gens qui concrètement mettent de l'argent pour acheter des serveurs. Ces serveurs font le travail de validation des transactions et ils sont récompensés en bitcoin. C'est comme ça que le système se boucle et en frais de transaction des transactions en bitcoin. Donc tout ça, c'est très concret. Il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de personnes qui participent. Et ça a une valeur déjà énorme en termes de serveurs, etc. Donc il y a quand même une valeur intrinsèque. On a déjà des millionnaires comme dans les années où les particuliers se mettaient sur la bourse. Oui, alors ce qui se passe là, c'est que le Bitcoin aussi a des avantages concurrentiels. C'est pour ça qu'on ne peut pas parler de bulle. C'est que les transactions en Bitcoin, faire des transactions, des virements en Bitcoin, c'est le moyen le moins cher de tout ce qui existe aujourd'hui. C'est nettement moins cher que les cartes bleues, de tout système de paiement. Donc ça, c'est un vrai avantage. Et puis l'autre, c'est le fait que ce soit limité. Donc c'est un actif dans lequel on peut placer une partie de son épargne. Et là-dessus, justement, il y a un sondage qui est sorti. Alors c'est le journal Les Échos qui en fait état. En Finlande, il y aurait un Finlandais sur 10, parce que les Finlandais sont très technophiles, il y aurait un Finlandais sur 10 qui s'apprête à investir dans le Bitcoin. Donc ça, si ça se développe, si ça généralise, ça présentera des montants importants qui feront que le cours actuel grimpera nettement. Aujourd'hui, un Bitcoin vaut 600 euros. Aujourd'hui, il y a à peu près 12 millions de bitcoins en circulation. Donc, si on multiplie, ça veut dire que la totalité des bitcoins aujourd'hui pèse 7,2 milliards, ce qui est beaucoup pour une monnaie virtuelle, mais très peu par rapport à tous les services que ça peut apporter. Et donc, moi, je suis très optimiste. Ça va encore nettement augmenter. Ça peut faire au moins x10. Donc, c'est un placement à côté de l'or physique. Tout le monde peut investir. Faut être un petit peu joueur, un petit peu voilà, mais un petit peu joueur, voilà, il y a un peu d'excitation parce que le cours fait un peu le yo, mais globalement 200, il monte. 600. Et donc on peut aussi. Tout le monde peut investir dedans. Oui, alors tout le monde, il y a aujourd'hui ça reste un peu compliqué, mais disons qu'on peut passer par des sites intermédiaires. Moi, je suis passé par un site Bitstamp, par exemple. On doit faire un virement, enfin on doit s'enregistrer, envoyer une carte d'identité, donc c'est quelque chose de tout à fait légal. Ensuite, on achète des bitcoins. Le mieux, la meilleure sécurité, parce qu'il y a un problème de risque informatique, ça c'est un vrai risque. Donc il faut soit être informaticien ou se faire conseiller par des informaticiens. Moi, je suis Vous faites des formations. Voilà, enfin, je fais ça aussi pour les gens qui veulent comprendre ça, mais il y a une partie risque informatique qui est réelle. Et donc, il faut se faire conseiller. L'idéal, une fois qu'on a acheté ces bitcoins, c'est de les rapatrier sur un porte-monnaie bitcoin avec une clé privée qu'on met sur un papier et puis qu'on met dans un... Il faut se former quand même. Voilà. Il faut un peu de formation. Mais c'est aussi un moyen. Et l'avantage par rapport à l'or, c'est que c'est une monnaie qu'on peut utiliser ensuite très facilement. Et moi, je pense même que dans des cas d'effondrement monétaire qui peuvent se produire, on en a parlé... le Bitcoin pourrait apparaître comme une solution, comme une planche de salut pour permettre aux gens de continuer à commercer alors que la monnaie de leur État partira en hyperinflation et rendra impossible toute transaction. En fait. Là, on parle un peu d'une refonte du système monétaire international. C'est un peu votre rêve, Olivier Delamarche, ça, non ? Vous en parlez souvent ? Pas votre rêve, mais en tout cas, vous en parlez. Je vous dis tout de suite, je rêve pas, ça. Olivier Delamarche. Je préfère passer mes nuits sur autre chose que sur le Bitcoin. Est-ce que ce serait une solution, quand même, la refonte du système monétaire ? Ah, c'est pas que ça serait une solution, c'est que ça arrivera. De fait, à un moment, l'hégémonie du dollar est complètement devenue obsolète et ridicule, et on sait que l'euro, a priori, comme quelque chose qui a été mal monté, est amené à disparaître. Et le yen, j'en parle même pas, aujourd'hui il vaut pas plus que même pas le papier sur lequel il est imprimé. Donc voilà, on sait que ça va arriver. Maintenant, je suis beaucoup moins certain que Philippe que ce sera le Bitcoin qui le remplacera, que le nouveau système monétaire sera basé sur le Bitcoin, mais on sera, oui, dans les années à venir, on sera amené à un moment à changer de système monétaire, et c'est souhaitable, parce que celui-là, il est quand même bien mal en point. Donc, et c'est aussi très probablement la raison pour laquelle La banque centrale chinoise achète de l'or à tour de bras, c'est en prévision de son arrivée à la table des négociations pour avoir un peu de biscuit, pour négocier avec les Américains qui, eux, malheureusement, en auront beaucoup moins ce jour-là. Donc voilà, il y a en effet des choses qui se préparent et je pense qu'il n'est pas totalement idiot d'avoir de l'or comme placement. Maintenant, moi, je suis comme Olivier. Ça doit être une marque de fabrique des oliviers. On est prudent et je ne dépasserai en tout cas pas 15 ou 20% sur mes placements en or physique. Voilà, parce que sinon, vous êtes en risque. Qu'on a vu tout de même, on a assisté depuis des mois et des mois et des années et des années au fait que un État qui est en faillite est à peu près capable de tout. Et donc je rappelle quand même que dans l'histoire, ceux qui détenaient de l'or physique, il leur est quelquefois arrivé de gros problèmes. Donc ça peut se vous parlez retrouver. De quoi aux États-Unis? Non, même en France, en Europe, je rappelle que juste après la guerre, vous étiez piqué rue Vivienne en train de faire une transaction sur l'or, vous alliez en prison. Et puis pas pour deux jours. Hein. Donc il y a eu des confiscations d'or de tout temps, et donc ça peut très bien revenir. Et 15-20%, c'est une chose. 90% en or, c'est une bêtise. Voilà. Comme le fait d'avoir 90% ou 100% en euros, comme le fait d'avoir 100% en dollars, est une bêtise. À partir du moment, de toute façon, où vous mettez un gros pourcentage face à un actif, ça devient une bêtise, quoi qu'il arrive. Donc voilà, on est dans un monde... où je vous disais, on n'a pas énormément de références. On sait que on va prendre le mur. On ne sait pas exactement comment et on ne sait pas ce qui va advenir après. Donc la meilleure des solutions, c'est beaucoup de bon sens, beaucoup de diversification et peu de gros paris. Voilà. Quand vous faites un gros pari, c'est exactement comme quand vous allez au casino, vous mettez tout à la roulette sur le rouge. Si le rouge sort, c'est super pour vous, vous êtes un génie. Vous n'y pouvez pas grand-chose. C'est un peu comme le gérant l'année dernière, il a gagné de l'argent, mais il ne sait pas comment. Hein, plus on était crétins l'année dernière, plus on gagnait d'argent d'ailleurs, parce qu'on ne se posait pas de questions. Et donc la roulette, c'est pareil, sauf que si vous avez tout mis et que c'est le noir qui sort et que vous avez misé sur le rouge, ben c'est ballot. Vous êtes ruiné. Donc c'est exactement la même chose en ce qui concerne les placements. Et donc on parlait tout à l'heure de l'information des souscripteurs ou des épargnants, souvent un peu de bon sens ne leur ferait pas de mal. Je ne dis pas qu'ils doivent tous être économistes ou tous spécialisés en placement. Enfin, il y a quand même des trucs qui, quelquefois, je ne vais pas aller jusqu'à dire qu'ils méritent ce qui leur arrive, mais... Quelquefois, on voit des trucs tellement incroyables quand on voit, par exemple, les municipalités ou les régions qui se sont endettées avec des trucs en variables basées sur le yen pour le Poitou-Charentes. Enfin, quelque part, faut quand même se poser des questions sur le type qui a trouvé ça intelligent. Il n'y a pas besoin d'être sorti de Polytechnique pour s'apercevoir qu'il y a un truc qui ne va pas. Donc, ou sur le franc suisse ou sur ce genre de placement. Il y a quand même. Sur ceux qui l'ont vendu aussi. Ah, mais qu'on s'en pose sur ceux qui l'ont vendu. Mais vous savez, pour faire une escroquerie, il faut un escroc et un imbécile en face, hein, souvent. Donc, il y a quand même. Je veux bien que ce soit pas facile, je veux bien qu'il y ait une présentation qui soit faite, qui soit mensongère, etc. Enfin, comme disait Olivier tout à l'heure, si vous faites confiance à M. Moscovici, c'est qu'il y a un problème au départ. Il faut écouter Maître Nicolas Lecoq-Vallon, il faut faire confiance à personne, c'est un des conseils. Oui, voilà, c'est tout contrôler soi-même et faire confiance à personne, c'est effectivement une règle en matière d'épargne seulement. Bon, comme l'a dit aussi Olivier, tout le monde n'a pas les moyens de vérifier. Puis il faut quand même rappeler, je suis d'accord avec sa réflexion sur le bon sens, mais le bon sens, c'est quelque chose qui est à géométrie variable en fonction de l'air du temps, de l'évolution des idées, de la conjoncture, de beaucoup de choses. Donc ce qui peut sembler complètement absurde à un moment pourra apparaître comme très raisonnable un peu plus tard. Donc ça aussi, c'est difficile. D'où la nécessité, comme on l'a rappelé, d'avoir un bon conseiller indépendant. Outre le fait qu'évidemment, il ne faut pas faire confiance et qu'il faut vérifier soi-même, mais effectivement, avoir quelqu'un quand même d'indépendant qui est capable de vous fournir un conseil à viser au moment de réaliser des investissements, ça peut aider. Pas se laisser avoir quand on promet des rendements à 4,5%, 5%, c'est forcément du risque. Sans risque. Voilà, sans risque. Monsieur Madoff faisait 11. Oui, voilà. Mais Bernard Madoff, faut aussi rappeler qu'il a été vendu, que Luxalpha a été vendu comme des SICAV de trésorerie dynamique, que ça a été vendu comme tel au mois de septembre, octobre, novembre 2008, et que c'était pour certains une valeur refuge au pire moment de la crise financière, évidemment avant le 11 décembre et que la fraude fut découverte. Mais faut voir aussi la présentation qui a été faite du produit, ce qui a pu se passer dans la tête de l'épargnant au moment où on lui a vendu. C'était vraiment présenté comme une valeur refuge. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait condamner certains établissements. Alors on va finir avec les derniers conseils. Je voulais juste vous demander, les class action en France, c'est pour bientôt ou pas ? Le plus vite possible. Mais on en est où ? Maître Feron Polony. On va arriver à la promulgation de la loi et à la mise en œuvre des décrets d'application. Et vous y croyez, vous, en tant qu'avocat ? Bah, bien sûr. Ça, c'est un moyen de pression sur les professionnels. Non, mais vous pensez que ça va arriver en France ? Ah oui, on y est. La loi est votée. Il y a un recours devant le Conseil constitutionnel. Et après, on attend les décrets d'application. Donc ça va sortir. Et à quelle échéance ? Concrètement, les épargnants vont faire large entre 2 et 6 mois. 2 et 6 mois, d'accord. On l'attend particulièrement parce que vous disiez tout à l'heure que ça peut être de l'escroquerie que de promettre 4,5% l'an. C'est ce que les assureurs promettaient pourtant et garantissaient dans les années 80-90, promesse sur laquelle ils se sont attachés de revenir ces dernières années. Et il faut se battre dans le cadre de la protection de l'épargne. Il faut se battre pour maintenir ce taux minimum garanti de 4,5% l'an pour ceux qui sont investis sur ce type de contrat. Et ce n'est pas un combat vain parce qu'on a obtenu des condamnations en ce sens à l'encontre de grandes compagnies d'assurance. Alors là, on va bientôt finir le débat. Si vous avez des derniers conseils, n'hésitez pas, on va faire un tour de table pour le mot de la fin, chacun. Je me souviens, avec Olivier Delamarche, on avait fait une interview et vous aviez lu la fable de La Fontaine, la cigale et la fourmi. Vous vous souvenez ? Moi ? Oui. Non, j'ai pas fait ça. Alors, c'est aujourd'hui, moi ce qui... aujourd'hui, ce qui me... C'est un truc pareil. Si, vous aviez fait ça avec moi. Regardez. Une vidéo qui a fait plus de 110 000 c'est vues. C'est possible. Donc, il y a beaucoup de témoins. Aujourd'hui, l'histoire qui me vient en tête, c'est Pierre et le loup. Ça fait un moment, toujours, on dit ça va arriver. Encore aujourd'hui, on le dit. Et non, ça arrive. Je vous le dis tout de suite, je vous le fais pas de tête. Hein, ça arrive toujours pas. Et Pierre et le loup, finalement, ça arrive. Quand le loup arrive vraiment, ben, c'est la catastrophe. Alors, qu'est-ce que ça vous. Mais je pense que la question n'est pas de savoir si ça va arriver. La question est de savoir aujourd'hui quand est-ce que ça va arriver. C'est ça la vraie question. Après, sur le fait que ça arrive, il n'y a pas de doute. Il n'y a plus de doute. Il n'y en avait déjà pas beaucoup l'année dernière, mais il y en a encore moins cette année. Donc voilà, après, malheureusement, je pense que personne n'est capable de répondre à la question quand. On voit que ça se rapproche, on voit que ça va de plus en plus vite, on voit qu'on a une incompétence crasse au niveau des gens qui dirigent et qui prennent des décisions. Et donc voilà, on sait que ça va arriver incessamment sous peu. Maintenant, quand on n'a pas la réponse, ça ne change pas grand-chose pour la bonne et simple raison que préparez-vous dès maintenant. Si vous avez à attendre 6 mois, ça ne va pas vous tuer non plus. Donc faites-le avant plutôt qu'après. Après, ça sera trop tard. Maître Lecoq-Vallon. Alors, ce qui est intéressant dans ce débat, c'est qu'on a beaucoup parlé de la catastrophe annoncée. On a essayé d'évoquer les solutions, mais on n'était pas forcément d'accord. Si ce n'est pour un constat que c'est difficile d'anticiper sur la manière dont va se manifester la crise. Et bon, on a évoqué différents risques. Il y a des risques de défaut, puis il y a des risques fiscaux nouveaux aussi. Qui sont difficilement prévisibles et contre lesquels il est difficile de se prémunir. Moi, ce que je voudrais dire surtout, c'est que très souvent, les gens qui viennent nous voir sont frappés par la culpabilité parce qu'ils considèrent qu'ils n'ont pas été assez bons, assez intelligents, qu'ils auraient dû être plus prudents. Et puis bien sûr, après coup, c'est toujours facile de considérer que quand on est victime d'une catastrophe financière individuelle, hein, parce qu'on a fait les mauvais choix, parce qu'on a été mal conseillé, on avait des raisons de se douter avant l'investissement et peut-être que ça aurait pu être évité. Moi, ce que je voudrais rappeler, c'est que on dit toujours aux gens qui viennent nous voir de se déculpabiliser parce qu'il n'y a rien de pire, parce que non seulement ils sont ruinés, mais souvent ils tombent malades. Et que c'est rarement de la responsabilité d'un individu, que c'est très difficile aujourd'hui d'être épargnant. On l'a vu pendant ce débat, puisqu'on a beaucoup évoqué les sujets d'inquiétude et les dangers, mais les solutions, personne n'est d'accord et elles sont toutes incertaines en tous les cas. Donc il faut rappeler que c'est très difficile d'être épargnant et que quand on est victime d'un mauvais investissement, faut pas se culpabiliser et faut penser aux solutions. Il y a souvent des recours qui permettent de recouvrer ce qu'on a perdu. Donc ne pas prendre les choses comme une fatalité et chercher des solutions. Merci. Alors moi, je fais le vœu que l'année 2014 ne soit pas l'année au cours de laquelle ceux dont Olivier Delamarche souligne par ailleurs l'incompétence trouveraient le moyen, en plus de modifier les textes de loi au préjudice des emprunteurs, des épargnants, qui voient aujourd'hui dans cette loi quand même les moyens juridiques de se défendre et de récupérer en tout ou partie ce qu'ils ont perdu parce que de l'autre côté, les professionnels de la finance n'ont pas respecté les règles. Donc on sait très bien là où nous sommes placés que les banques et les compagnies d'assurance font un lobbying extrêmement féroce pour obtenir des modifications législatives, pour obtenir des validations législatives, pour couvrir les fautes qu'elles ont commises auparavant. Donc je souhaite que ces validations ne passent jamais, elles sont totalement injustifiées, et que 2014 soit une année de sécurité juridique pour tous. Olivier Berruyer. C'est pas gagné quand même, hein. Enfin, il est clair que voir la compromission du législateur avec le système bancaire et financier pour empêcher, en effet, que les justes sanctions soient prises, en tout cas comme c'est le cas depuis 2008-2009, sont une réelle source d'inquiétude et sont une des causes d'ailleurs de la deuxième couche qui va bientôt être passée. Quand vous avez exactement les mêmes personnes qui s'occupent de contrôler les mêmes banques et qui font exactement les mêmes conneries qu'en 2007. Les faits sont têtus. Non, mais il va se passer exactement la même chose. À aucun moment on allait chercher en responsabilité les administrateurs défaillants de ces groupes-là. Donc évidemment, bah, tout ça continue allègrement. Voilà, après quoi dire de plus au niveau des épargnants? Ben, en effet, le but principal doit être. Surtout pas de chercher une rentabilité intéressante cette année, mais vraiment de réfléchir à comment j'essaie de récupérer 100% de ce que j'ai en cas de gros pépin. On a évoqué quelques pistes tout à l'heure, en effet, diversification maximale, conseiller de qualité et indépendant. Parce que malheureusement, contrairement à la situation actuelle, quand on aura le big one qui sera devant nous, il y aura très peu de recours. Très peu de recours parce que vous n'aurez plus de contrepartie, en fait. Hein, évidemment, vous avez une vaporisation de toutes vos principales banques, et donc il n'y a strictement plus personne à attaquer en cas de problème. Hein. Il restera uniquement des clients qui, in fine, sont des créanciers d'une structure privée. Si la structure privée fait faillite, eh bien, Malheureusement, on est en train de se rendre compte qu'il n'y a pas de miracle et que ces créanciers-là seront impactés comme n'importe quel créancier de n'importe quelle entreprise qui fait faillite. Ouais. Les États ont plus un fifrelin en plus pour essayer d'aider là-dedans, donc ce sera les clients face à la banque en faillite, donc avec un liquidateur, et puis on essaye de vendre et on voit ce qui reste, et puis on paye les gens avec ce qui reste une fois qu'on a vendu la banque. C'est ça qui est devant nous. Au niveau législatif, puisque vous en parliez, on voit qu'on n'a pas été capable en 6 ans de prendre des mesures qui sont réclamées par à peu près toute l'intelligence économique mondiale pour sécuriser le système bancaire, parce que ça nuirait à les 5000 personnes en France à tout casser. Donc c'est sûr que, évidemment, ça recommencera, mais à contrepartie, que le législateur n'a pas les capacités à s'opposer à ces décisions-là. Donc prudence en effet aux épargnants, et ne croyez pas tout ce qu'on vous raconte. Merci. Philippe Erlin ? Oui, enfin, la crise dans laquelle on est, qui est une crise de la dette, on voit que l'étape d'après, c'est une crise de la monnaie. Quoi. Quand on ne peut plus payer les dettes, quand on fait de la planche à billets, à ce moment-là, c'est la monnaie elle-même qui est impactée et qui commence à perdre de sa valeur. On voit ce qui se passe avec les pays émergents en ce moment, là, dans les semaines dernières, où on voit qu'il y a des devises qui s'écroulent et les banques centrales qui essaient de tout faire pour essayer de récupérer les choses et qui n'y arrivent pas. Ça, c'est peut-être un scénario de ce qui peut nous arriver. Donc, il faut penser, en termes de placement, à être en dehors de la monnaie, en dehors de l'euro. C'est-à-dire, c'est penser aux actifs réels, comme vous disiez tout à l'heure, avec l'immobilier, même si ça peut être compliqué, mais l'immobilier quand même. Les œuvres d'art, si on connaît ce marché-là. Le marché des voitures d'occasion, il y a le salon rétromobile en ce moment, se porte très bien. Donc, les actifs réels, ça, c'est une vraie façon de se protéger. Mais c'est des marchés complexes, donc il faut les connaître. Autrement, des marchés simples, évidemment, c'est l'or, j'en ai pas tout à l'heure. Et puis, pour terminer, je recommande un pari audacieux, mais qui peut être très payant, sur le Bitcoin. Voilà. Très spéculatif. Philippe Erlin, Olivier Berruyer, Hélène Ferron-Polony, Nicolas Lecoq-Vallon, Olivier Delamarche, merci beaucoup. C'était 2014, Mon épargne en danger, sur Média Investigation. À bientôt. La cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. « Je vous paierai, lui dit-elle. Avant l'août, foi d'animal, intérêt est principal. La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. Que faisiez-vous au temps chaud, dit-elle à cette emprunteuse ? Nuit et jour, à tout venant, je chantais, ne vous déplaise. Vous chantiez, j'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. » Voilà, 1620, 1695, Jean de La Fontaine. C'était 2014, la crise de la dette, mon épargne en danger. Invité, Olivier Delamarche, Philippe Erlin, Olivier Berruyer, Maître Nicolas Lecoq-Vallon et Maître Hélène Ferron-Polony. Un débat organisé en 2014 par Média Investigation. www.mediainvestigation.com. Durée du débat, 1h40. Fichier audio fourni par MP3 Résistance. Il existe un autre débat similaire à celui-ci qui avait été organisé un peu plus d'un an auparavant. Il s'agit de la même formule organisée par Média Investigation et avec les mêmes invités, mais sans Olivier Berruyer. Pour retrouver ce débat en fichier audio, tapez le titre suivant, 2012, crise de la dette. Mon épargne en danger. Pour télécharger d'autres entretiens, débats, conférences et émissions radio au format audio, allez sur le site de MP3 Résistance en tapant www.mp3resistance.tk.